disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 44. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email, dempart@cetemplar.com. Je répète, dempart@cetemplar.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, EELB.SU. Les règles ont été mises à jour, vous pouvez vous y référer, hein, parce qu'il y avait des petites, apparemment, des petits troubles de ce côté-là, et ça a été, des rappels ont été faits. Présentation des membres de la semaine, je commence tout de suite sans aucune transition. D'emblée avec Zyklombix. Salut Zyklombix. Bonjour à tous ainsi qu'aux auditeurs, je vais bien, j'ai la pêche et j'espère que la journée sera fruitée. Oui, je l'espère aussi. Et avec nous aussi cette semaine, Hopman America. Salut Hopman. Salut Gandalf, salut les auditeurs et en particulier ceux qui ont levé un verre à ma santé. Hein, parce que je vous ai vu, bande de petits coquins, sur le forum en train de me souhaiter un chin-chin. Voilà, donc la même. Profitez bien de notre fabuleux patrimoine. Être fabuleux terroir. Tu parles de vin, donc, hein, Sherman. Bien sûr qu'on parle de vin, bien entendu. Bien sûr qu'on parle pas de vin, on parle de femme, hein, bien évidemment. Fulbert est ici avec nous cette semaine. Salut, Fulbert. Bonjour, Gandalf, et bonjour à tous. Toujours avec nous cette semaine, Alexis. Salut, Alex. Salut, Gandalf, salut tout le monde. Et enfin, est avec nous cette semaine, Popovic. Shalom aleikum, Popovic. Shalom alaikum, bonjour à tous, voilà, c'est reparti pour une nouvelle émission. Alors avant d'entamer la partie remerciement des donateurs, je voulais citer ce site internet qui s'appelle libriseterna.com. Alors je vais épeler, hein, L-I-B-R-I-S-A-E-T-E-R-N-A. Donc Libris pour livre, hein, en latin, Aeterna pour éternel en latin aussi, .com. Alors sur ce site internet, vous trouverez des livres rares et censurés que vous pouvez commander en version papier, bonne édition en général. Hein. Il y a 200 titres disponibles et comment dirais-je, c'est un site qui est parrainé par le grand monarque et son équipe. Donc ils font un travail de réédition. Et il y a des livres assez rares qui sont intéressants de commander si vous le souhaitez, en sachant qu'il existe aussi, toujours sur les sites du Grand Monarque, des versions PDF gratuites. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas avoir le livre papier, il y a des versions gratuites. Mais ce site-là, que je viens de citer, en fait, condense l'offre papier. Donc, jusqu'à présent, c'était un peu disséminé. Maintenant, là, il y a un site qui condense tout. Donc, n'hésitez pas à vous y référer si vous souhaitez accéder à des livres qu'on ne trouve pas dans le commerce, en fait, tout simplement. Hein. Alors, les donateurs. Donc, vous le savez, si vous souhaitez nous soutenir, soutenir le site, soutenir ce qui est fait d'une manière générale, eh bien, il faut procéder par des dons en crypto-monnaie, bien sûr. Monero, notre crypto de choix, qui garantit l'anonymat des dons, que ce soit ceux qui donnent ou ceux qui reçoivent, ainsi que l'anonymat sur le montant des transactions. Bon, promeut ici activement cette crypto, dont numéro 1. Donc je précise que ceux qui le souhaitent peuvent nous écrire pour nous dire qu'ils nous ont fait un 2 et qu'on les remercie quand même en ligne, c'est la moindre des choses. Salut Gandalf et à toute l'équipe de DP, je m'étais promis cette année de vous faire un don mensuel afin de vous aider à lutter contre la censure dont vous êtes les victimes. Et pour que vous puissiez continuer l'aventure le plus longtemps possible. Seulement, je ne l'ai pas fait, sauf au mois de septembre. Honteux d'avoir ainsi trahi mon engagement et quelque part votre confiance, j'ai donc décidé de rattraper le temps perdu. Alors le BAT, donc le Basic Attention Token, la crypto du navigateur Brave, ayant pas mal performé ces derniers temps, j'ai décidé d'en échanger un peu contre du Monero. Je vous ai donc envoyé aujourd'hui 4 Monero, ce qui représente environ 700 euros au moment où j'écris ces lignes, de quoi faire une bonne moyenne mensuelle sur l'année. Inutile de s'attarder plus longtemps, je vous envoie en pièce jointe une capture d'écran de votre transaction ainsi qu'une preuve de paiement afin d'assurer l'authenticité de la donation. Bonne journée à tous, et c'est signé Jupiter, la géante gazeuse. Il y a des originaux. Là, c'est bien trouvé quand même. Alors, en tout cas, merci Jupiter, nous acceptons ta teshuva. Tout à fait, teshuva accepté, effectivement. Bah oui, enfin, les donateurs, bien sûr, sont libres de soutenir ou pas soutenir. Bon, avec les dons, ça permet de financer le forum. Ça c'est une chose. Il y a bien sûr aussi l'entretien du site, bon, qui est censuré grosso modo une fois par mois. C'est un rythme, on a une censure d'une fois par mois. Et puis, tout ce qui doit aller autour, quoi. Don numéro 2. Bonjour à tous, voici un don de 0,16 Monero. Désolé pour le retard. Sikael, et il y a un petit hashtag cuisine. Et c'est signé le roi des renards. Merci, roi des renards, pour ton don. Don numéro 3, bonjour à toute l'équipe de DP, je viens de vous faire un premier don de 0,20 Monero. Je tenais à vous remercier pour la qualité de vos articles et émissions, bien cordialement. Et c'est FJBE65 qui nous envoie ce don. Ben, merci FJBE65, merci d'une manière générale à tous nos donateurs qui nous soutiennent depuis plusieurs années maintenant pour certains. Merci à tous ceux qui ne nous envoient pas de messages, parce qu'ils ne le souhaitent pas tout simplement, mais qui nous soutiennent nonobstant. Par dons régulièrement, quand ils le veulent, quand ils le peuvent, avec différents montants, des gros montants, des petits montants, des montants modestes, peu importe. C'est ce qui nous permet techniquement de poursuivre et aussi de regarder l'avenir en nourrissant des idées de projets. Mais c'est vrai qu'on... Vas-y. Je voudrais aussi remercier certains, on le fait pas, on a tort. Je vois des gens qui relayent très souvent les articles. Évidemment, en contournant la censure des réseaux, mais qui arrivent comme ça à relayer le contenu et donc à faire de la publicité pour le site. Je les en remercie beaucoup. Je pense notamment à Nominoé. Oui, Nominoé. Qui est quelqu'un qui nous relaie très, très, très souvent. Et ça aussi, évidemment, ça aussi, ça nous aide. Et ça coûte pas un rond. Tout à fait, c'est juste. C'est vrai que la censure, elle est vraiment massive. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre les liens de DP sur Facebook, quoi. Enfin, si vous vous amusez à coller un lien DP sur Facebook, c'est. Votre compte, je ne sais pas combien de suspensions vous avez, mais enfin, en tout cas, vous êtes suspendu au moins temporairement, si ce n'est pas définitivement. VK, c'est pas mieux. Je ne pense pas qu'ils fassent sauter les articles, mais les comptes sautent maintenant. Et finalement, il n'y a que Gab, qui est un espace où on peut à peu près parler, mais qui n'a pas du tout la même amplitude qu'un site comme Twitter, par exemple, où là, je ne sais pas si nos articles sont censurés techniquement parlant, mais en tout cas, on ne peut pas avoir de présence dessus, bien sûr. Enfin, les gens connaissent à peu près la situation. Donc, c'est sûr que les gens qui essayent de relayer, c'est très important, bien sûr. Ou par email aussi, on peut faire des chaînes d'email. Hein. On peut, comme ça, avoir des listes de diffusion où on met simplement le lien vers l'émission, en fait. Hein. On fait des listes de diffusion comme ça et on peut les envoyer, quoi. Après, il faut vérifier ces spams pour s'assurer qu'il n'y a pas des courriers qui passent à l'as. Mais c'est des méthodes comme ça de... pour contourner la censure autant que faire se peut, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Nous, on n'a pas la facilité, ce que je disais juste un petit peu avant l'émission, d'ailleurs c'est un peu drôle que tu le dises à Porovitch, c'est ce que je disais à Poro, si on avait gardé notre domaine dès le départ, le point biz, on aurait encore plus de lecteurs et d'auditeurs. Comme je te disais, je pense qu'on aurait des 4x4 de narcotrafiquants aussi. Oui, c'est sûr. Oui, c'est pareil. Enfin, je veux dire, le crowdfunding, c'est pas possible. Utiliser des cartes de crédit, c'est pas possible. Utiliser des bitcoins, ça n'est plus possible depuis des années. C'est vraiment, sans Monero, on pourrait pas s'en sortir. Et les sites qui sont encore tolérés, qui ont des URL en clair en France, bah c'est simplement parce que le pouvoir le veut bien. C'est vrai que moi, je suis chaque fois étonné, hein, quand on a les chiffres un peu des vues, de voir ce qu'on arrive à faire en étant, j'allais dire shadowbanné, mais non, on est pire que shadowbanné. On a eu différentes tentatives de censure, on a eu tout type de censure, hein. On a eu à tous les niveaux, on a eu au niveau de l'ICANN, donc aux États-Unis, on a eu des avocats aux États-Unis, on a vraiment tout eu, hein, je veux dire, ils ont tout essayé quoi, pour faire sauter ce site. Alors évidemment, ils le font sauter de temps en temps, mais globalement, les lecteurs, les auditeurs sont fidèles, donc ils nous suivent bon an, mal an. C'est vrai que quand les sites sautent, il y a une partie qui ne savent pas où le site se trouve. Alors ils écrivent simplement à l'adresse email pour nous demander, donc c'est dempart@setemplar.com. Donc si jamais vous perdez un peu de trace, bah, n'hésitez pas. Et puis quand vous avez des amis, ils disent bah, « j'arrive pas à retrouver le site », bah, informez-les, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas aussi confortable comme position que des gens qui ont des noms de domaine qui ne sont pas du tout menacés par les autorités, quoi. Ça, c'est évident. C'est pas de comparaison, hein. C'est le jour et la nuit. Tout à fait, ouais. Et en plus, on a aussi un oignon tort, hein. Donc c'est vrai qu'on recommande assez vivement de recourir à l'oignon tort, en fait. Alors là, il y a une garantie vraiment de non-censure, quoi. Ouais. Mais bon, c'est le climat, hein, et il n'y a pas de raison d'imaginer que ça s'améliore dans les années qui viennent, bien au contraire. Voilà, donc c'est vrai, c'est moins facile, et c'est grâce à Monero et grâce à tous ceux qui nous soutiennent de cette manière, et ben on arrive quand même à tenir, parce que donc Monero, c'est pas forcément très sexy comme méthode, enfin, je veux dire, ça paraît de l'extérieur rébarbatif, je veux dire, oh, les cryptos, c'est compliqué et tout. Donc il y a des gens qui font l'effort pour nous soutenir, et ben, c'est ce qui fait la différence, c'est vraiment, il y a des gens comme ça qui le font. Voilà. Plutôt de se dire « Ah oh non, c'est chiant, j'ai pas envie de le faire. Ouais. » Mais sans ça, on pourrait pas. Sans ça, on pourrait pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut dire ce qu'on peut dire. Parce que si, imaginez, si on était complètement tributaire des plateformes officielles, bah, tu censures 90% de ce que t'as à dire. 90%, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, faut choisir la liberté ou bien le confort. Voilà. C'est... Oui, confort relatif, hein, puisqu'on en a parlé souvent ici, mais les stratégies de dédiabolisation, ça finit au tribunal et ça finit en dissolution. Donc le confort, tout à fait, ouais. Même là, il n'est que très, très précaire. C'est juste. Tu fais mention de génération identitaire, en fait. Oh, et pas que, ils ne sont pas les seuls à avoir essayé. Non, c'est certain, c'est tout à fait certain. Alors messieurs, rubrique courrier des lecteurs, numéro 1, hein, premier courrier. Ça nous vient de Suisse encore, et c'est une réponse à la discussion qu'on entretient depuis 2-3 semaines sur les votations et la démocratie directe, etc. Vous savez, un petit peu un moment chouardien. Oh, j'ai vu la dernière vidéo de Chouard, ah, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Peut-être que vous ne voulez pas regarder, mais bon. Bref. Bonjour chers amis, habitant en Suisse et observateur attentif de la vie ici, je veux vous faire part d'une observation. Les votations sont entièrement truquées depuis des années. La démocratie directe suisse est complètement corrompue et le pays est intégralement sous le joug des loges, Alpina notamment, et de la juiverie. La quasi-intégralité de la minable, comme en France, classe politique est corrompue jusqu'à la moelle. La grande majorité des Suisses est aveugle. Monsieur François de Siebenthal a dénoncé les tricheries électorales, c'est-à-dire les votations, dans une vidéo encore disponible sur YouTube de décembre 2020. Voilà, François de Siebenthal. Donc apparemment, ce monsieur explique par le détail, en fait, comment ces votations seraient plus ou moins encadrées par le pouvoir occulte. Ben, peut-être qu'il faudrait vous y reporter pour avoir un éclairage là-dessus. On avait parlé, hein, de toute façon, de la démocratie directe. Bon, j'ai cité le courrier parce que la personne nous écrivait pour nous faire part un petit peu de son... Lui vit en Suisse, il a l'air exaspéré par, je pense, par les Français qui regardent vers la Suisse en disant « Oh, ça, on a trouvé la solution, elle est chez nos voisins. » Et voilà, non, quoi. Oui, comme certaines personnes qui réclamaient le RIC, comme si c'était un sorte de Saint Graal qui allait tout régler. Oui, le RIC, bah, ça m'amène sur Chouard. Alors, je fais une petite... une petite digression. J'ai regardé la dernière vidéo de Chouard, qui est une pure vidéo de Tchouva. Mais c'est un... J'avais mal pour lui, franchement. Donc, ça, j'ai oublié le nom de la chaîne YouTube. Je crois que c'est les Incorrectibles, je crois, mais je suis pas certain. C'est peut-être une autre chaîne. Et ça dure une heure environ. Et Chouard, vous savez comment il est. Il a des manières. Il regarde jamais en vis-à-vis d'ailleurs la personne à côté de laquelle il se trouve. Il a toujours un regard fuyant d'hypocrite, en fait. Je pense que c'est un hypocrite fini, ce bonhomme. Je le connais pas, mais ça a l'air d'être un hypocrite. Et comment dire? Et en fait, il doit s'expliquer sur la fameuse sortie. Je sais pas de quoi il retourne par rapport aux chambres à gaz. Vous vous rappelez ce passage sur Mediapart, là? Je crois qu'il avait dit qu'en fait, il savait pas. Oui, mais ça lui était reproché. Oui, il était passé à la question. Hein. Oui, sur France 2, non? Il avait pris la position du philosophe en croyant s'en sortir et ça l'avait piégé. Oui, c'est-à-dire, c'était Robert Denis, non, c'était pas France 2, c'était Le Média, je crois, ou Mediapart, je crois que c'est peut-être Mediapart, sinon Le Média. Et de toute façon, bon, Robert Denis est un marxiste fini, enfin, tout à fait à l'image, enfin, je sais pas, il y a des gens qui le prennent au sérieux, mais que là, enfin, c'est une farce. Et donc, en fait, l'exercice. Donc il y avait un juif d'ailleurs aussi dans l'équation, j'ai oublié son nom, je crois que ça s'appelait Enthoven d'ailleurs, mais pas le philosophe, hein. Enfin le philosophe, bon, ça nous fait rire, mais pas le rabbin laïque qui sévit sur les ondes traditionnelles, hein. C'est un autre Enthoven, bon, je sais pas, la famille est grande quoi. Et alors, bon, il s'agissait d'avouer, hein, c'était... Et l'autre a dit, je sais pas, je suis pas au courant, je suis pas sûr en fait. Et bon, ça lui a été beaucoup reproché. Et alors j'ai regardé cette nouvelle session de repentir en fait. Hein. Il fait pénitence quoi. Et c'était vraiment douloureux parce qu'il est là, oui. Cet été, vous savez avec sa façon de parler là. Oui, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Tu vois comment il fait. Et alors il lit quoi là? J'ai dit, bah, qu'est-ce qu'il a lu? Ah, il a lu Raoul Hilberg. Je veux dire, oui. Bon, ouais, d'accord. Bon, bah ouais, ça risque pas d'avancer. Donc il a bien fait comprendre qu'il s'était référé en fait au docteur de la synagogue sur le sujet, qu'il avait lu ce qu'il fallait lire, qu'il avait bien compris, etc. Et du coup que voilà, hein, maintenant il savait quoi, voilà. Mais sans vraiment rentrer non plus dans le détail. Alors ce qui est dommage, c'est que celui qui l'interrogeait en fait n'a pas cherché à creuser le sujet. C'est-à-dire que l'autre dit oui, j'ai lu, j'ai appris, j'ai passé du temps, j'ai étudié, voilà. Et moi j'aurais aimé que le mec lui dise, ah bon, d'accord, qu'est-ce que vous avez appris, sur quel point vous ignoriez, est-ce que c'est le processus, etc., la taille de la chambre, comment tu vois. Et bizarrement, personne ne rentre dans les détails. Parce que, et ça c'est un sketch, mais en fait c'est la bombe atomique du révisionnisme. En fait, quand tu commences à t'intéresser au fonctionnement pratique de la chambre à gaz, tu découvres qu'il n'y a rien. C'est la panique en fait. Et donc c'est malheureux. C'est-à-dire que le mec il s'excuse, mais on en est encore une fois pour ses frais quoi. Alors oui. Que Raoul Hilberg, lors du procès au Canada dans les années 80, acculé par les révisionnistes lors du procès Zundel, hein, en présence de Robert Forisson, etc., avait sorti cette fameuse phrase. Parce que quand il avait été incapable de prouver qu'il y avait un plan, un budget, qu'il n'y avait rien, quoi, il avait dit oui, mais c'est une incroyable rencontre des esprits. Donc en gros, c'était de la télépathie, quoi, qu'il y avait des gens qui s'étaient mis d'accord sans se parler, en fait, pour mettre en mouvement la machine déterminationniste. Et, ça avait fait ça a évidemment fait l'effet d'un choc, puisque au contraire, enfin toute la thèse c'était que non, c'était, on parlait d'ailleurs du caractère industriel, donc on disait que tout avait été soigneusement planifié. Et Raoul Hilberg, c'est une rencontre incroyable des esprits, quoi. Voilà, les mecs se sont mis d'accord à distance sans jamais se parler, quoi. Et c'est là qu'en fait la boutique juive sur le sujet s'est complètement écroulée. Et c'est là, quelques années après, qu'ils ont adopté ce cycle de législation, ce cycle de loi, dans les pays d'Europe notamment, qui vise à interdire les discussions. D'accord ? Parce qu'il y a eu une discussion lors du procès de Toronto qui a duré 3 mois, C'était un vrai procès. Un vrai procès, hein, pas un truc bâclé. Hein. C'était un vrai grand procès avec des experts, des gens qui pouvaient débattre dans le détail vraiment de la question, ce qui a été fait. Et qui a été un véritable fiasco aussi. Pour les juifs, ça a été, bah voilà, ça a été un fiasco. Ils ont dit, bon, là, non, les gars, on va éviter. D'ailleurs, c'est ce que Forisson à chaque fois demandait. Forisson demandait à chaque fois dans tous ses procès, parlons du fond. Parlons du processus. Parlons des pièces. Parlons des documents. Ayons cette discussion de fond. Moi, je suis prêt à répondre sur tout. La réponse, c'était de la part des juifs. La haine, l'antisémitisme, la haine, l'antisémitisme, la haine, l'antisémitisme. Donc, il n'y avait rien. D'accord. Donc, il n'y aura rien. C'est-à-dire qu'un jour, la chambre à gaz, elle va s'effondrer totalement dans un éclat de rire général. Alors, d'abord l'éclat de rire. Ensuite, risque d'y avoir un petit peu autre chose. Mais bon, voilà. Et c'est marrant de voir que Chouard, alors, a fait tchouva sans expliquer pourquoi. C'est le pape de la, comment dire, c'est le pape de la démocratie directe en France, en tout cas au plan médiatique, Chouard. Donc, c'est lui qui en fait la promotion comme espèce de solution. Miracle. Et c'est évidemment une imposture parce que, et on le voit avec la vaccination, parce que la vaccination n'est pas passée par un processus électoral, vous l'avez remarqué comme moi, bien sûr, hein, et il n'y a pas eu de coercition. Je veux dire, par là, on n'a pas été obligé de se vacciner. On a mis en place une espèce de pression de plus en plus forte pour pousser les gens vers la vaccination. Le pass sanitaire, enfin, je veux dire, priver les gens de vie sociale, etc., les traumatiser, c'est certain, hein, je veux dire, on a quand même, mais on n'a pas fait voter les gens sur la vaccination, je veux dire. L'infrastructure médiatique, l'infrastructure étatique est entrée en action et sans qu'il n'y ait eu finalement de concertation et sans qu'il y ait eu d'obligation stricte, entre guillemets, on est quand même parvenu à obtenir, je ne sais plus quel taux de vaccination dans la population adulte, mais un taux de peut-être de 75, 80 ou plus de 80%. Donc, si vous voulez, vous pouvez obtenir avec une votation directe, des élections directes, surtout, vous pouvez d'abord, vous pouvez obtenir une forme de d'anarchie permanente. C'est, en fait, ça ne fait que maximaliser le brouhaha démocrateux, en fait, hein, c'est ça, hein, parce que le dernier des abrutis peut brailler aussi fort qu'un mec un mec brillant, en gros, hein, c'est ça. Et deuxièmement, on peut de toute façon manipuler l'opinion avec avec les médias, télévision, radio, moins aujourd'hui la presse écrite, mais tout de même, et je ne parle même pas tout simplement du câblage de la population, c'est-à-dire que si en passant par le ministère de la rééducation post-nationale, n'est-ce pas, vous pouvez faire un travail considérable de déformation des esprits qui fait que quand ils arrivent à l'âge adulte, les personnes ont une compréhension de la réalité totalement déformée. Donc vous pouvez déjà vous assurer que 9 fois sur 10, ils répondent ce que vous espérez qu'ils répondent, n'est-ce pas? Et je ne parle même pas de l'ingénierie raciale. Parce que si vous faites tomber le QI médian par l'arme de l'immigration de masse, vous pouvez aussi être sûr que la distance critique s'émousse, hein, au fur et à mesure que la population change. Donc, vous voyez bien que sans même utiliser la question électorale pure, on peut déjà s'assurer d'obtenir des réponses préarrangées. Voilà. Donc, voilà. Il y a énormément de biais. Il y a aussi l'ingénierie électorale. Choisir les candidats, choisir les modes d'élection, fracturer l'opinion publique dans des camps adverses qui vont mutuellement se neutraliser. Hein, le fameux clivage gauche-droite. Franchement, moi, si vous me confiez l'organisation d'une élection, je vous promets que je vous donne le résultat que vous voulez. Ce fétiche du droit de vote, ce fétiche de l'urne, c'est vraiment mais un miroir aux alouettes, quoi. On ne va nulle part avec ça. Bah, apparemment, Attali, il sait comment faire aussi, hein, parce qu'il a prédit, qu'on aurait une femme présidente de la République et on est bien parti pour Pécresse. Tout à fait. Oui, on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs, hein, un petit peu de ça. Donc, tout ça pour dire, parce qu'il y a cette il y a la mystique démocratique. Il y a la mystique démocratique qui est vraiment un mythe, quoi. Qui est un mythe. Les gens pensent que parce que vous mettez 51%, vous avez 51% de personnes qui votent pour quelque chose, que cette chose est nécessairement juste. Vous voyez, que le nombre, que la majorité se tournent systématiquement vers la bonne réponse. Non, c'est faux. D'accord ? C'est faux. C'est absolument faux. Donc voilà, donc c'est pour ça que la démocratie n'est pas une solution, elle est le problème en fait. Le carburant de la démocratie, c'est la stupidité des masses. Les masses sont stupides. Et vous pouvez entretenir, cultiver, développer la stupidité des masses. Vraiment. C'est le rôle de la télévision d'ailleurs. Hein. Je veux dire, si Hanouna est une des principales émissions, enfin Cyril Hanouna anime une des principales émissions en France, ça a une fonction. D'accord. Et la fonction, c'est pas d'élever le niveau de l'intelligence moyenne en France, d'accord. C'est au contraire de la baisser toujours plus bas. Vous voyez, donc le système a besoin de gens abrutis. Voilà. Il sait comment y arriver. Il sait comment y arriver. Donc quand vous avez des gens qui présentent comme solution radicale la modification du mode de scrutin, alors soit on a affaire à des doudingues, soit on a affaire à des naïfs, soit on a affaire à des escrocs. J'ai envie de dire c'est bien, mais c'est pas assez en fait. C'est pas le modifier, c'est le supprimer. Non, mais que les politiciens soient inutiles et nuisibles, c'est un fait. Mais comment dirais-je, c'est pas pour autant, si vous voulez, que la plèbe travaillée par les médias juifs mise au pouvoir penchera du bon côté. Je veux dire, c'est non, c'est je n'y crois pas un instant, pas un instant. Moi, c'est pour ça que je suis sur une position complètement inverse. Moi, je suis pour rétablir les hiérarchies, mais les hiérarchies organiques et naturelles, en fait. Moi, j'ai une pensée aristocratique. Alors, l'aristocratie, c'est pas l'ancien régime, les poudrés, ça n'a rien à voir. Hein. La pensée aristocratique, c'est l'élitisme organique, en fait. Voilà, donc c'est les meilleurs qui font leur preuve doivent diriger. C'est comme ça que fonctionne la société. Et bon, évidemment, dans une démocratie égalitariste radicale, comme le propose cette espèce de crypto-communiste de Chouard, enfin, c'est surtout un socialiste plus qu'un communiste. Hein, il tient tout à son confort pour être véritablement communiste. Mais bon. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris, quoi. Donc oui, voilà. C'est, mais bon, ça plaît aux gens parce que c'est flatteur aussi. Hein. Voilà. C'est ça le problème de la démocratie, c'est que tout le monde croit qu'il va pouvoir devenir président de la République, vous voyez, c'est cette petite étincelle qui réside chez chaque individu, c'est là-dessus que repose l'égalitarisme en fait, quoi. Tu vois, tu vas pouvoir toi aussi être le despote des autres en fait, c'est ça qui... Oui, et puis, tu sais, c'est le calcul mesquin, tout le monde pense qu'il va réussir par les promesses d'égalité, à faire que ça lui, au final, ça lui bénéficie à lui. C'est-à-dire que c'est un grand message altruiste qui est en fait le masque des égoïsmes individuels. Tu vois, tout le monde, oui, fait son petit calcul. Ah ouais, bah oui. Alors évidemment, le mec qui est pauvre, il va être pour les allocations, tu vois. Parce qu'il se dit dans sa tête, secrètement, oui, bon, c'est bon, ça va me bénéficier. La démocratie est un système impossible puisque c'est l'institutionnalisation de la guerre civile, en fait. C'est-à-dire que l'argument en fait des démocrates, c'est de dire que il faut rendre l'affrontement civil en quelque sorte civilisé. Donc en fait, il ne s'agit pas de contenir, comment dire, de mettre un terme à l'affrontement. Il s'agit de l'encadrer en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un climat perpétuel de guerre civile où les différentes factions ont tout loisir de pousser dans une direction plutôt qu'une autre. Or, c'est pas comme ça qu'un État peut fonctionner. La démocratie est fondamentalement fondée sur la destruction de la société. C'est ça que les gens doivent comprendre. D'accord ? Qu'on l'encadre ou pas, une guerre civile reste une guerre civile. Une guerre civile est destructrice. D'accord ? Donc, tant que la démocratie l'encadre, le permet, alors chaque faction a son truc, et ça détruit évidemment la confiance générale. Ça, c'est déjà une chose très importante. Ensuite, l'idée même de démocratie, comme je l'ai dit, inscrit dans le fonctionnement même de l'ordre social, la légitimité dans la majorité électorale, qui est très largement manipulée par des médias, une puissance d'argent, etc. Donc, c'est une confiance et un consensus factice qui ne reflète pas les intérêts à long terme réels du peuple, le bien réel du peuple à long terme, et ça pose ensuite la question, j'allais dire, du libéralisme politique. je dis bien du libéralisme politique, où en fait on place l'individu comme étant l'élément central d'une démocratie, c'est-à-dire qu'en définitive, et c'est présenté comme ça, la démocratie permet à l'individu de se déterminer librement. Or, on sait très bien qu'un individu ne se détermine jamais librement, il est constamment sous l'influence de puissances supérieures, bien sûr. Et le problème, et ça fait le lien donc avec la dénatalité, etc., c'est qu'en fait on est dans une forme d'individualisme terminal, où il n'y a pas d'horizon au-delà de l'individu, donc la question de la perpétuation du peuple n'est pas posée, ou quand la question est posée, quand les instruments, si vous voulez, collectifs sont en jeu, par exemple les questions de retraite, etc., c'est toujours sous un angle purement économique. Ah, on est en déficit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut augmenter les impôts. Mais ce n'est pas la question. Ça, c'est une question bassement matérielle qui concerne simplement l'intendance, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui, quand vous prenez une société occidentale typique, vous prenez la France par exemple, c'est que vous avez affaire à un collapsus démographique. D'accord ? Donc le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on en fait beaucoup trop pour les vieux et qu'on en fait pratiquement pas pour les jeunes. En réalité, les jeunes blancs. Hein. Donc on en fait très très peu. D'accord ? C'est ça la vérité absolue. Mais dans un système libéral, encore une fois, au plan politique, où l'individu fait ses choix, qu'il ne fait pas, au terme d'élections qui sont truquées directement et indirectement, on est constamment dans la primauté des intérêts à court terme, généralement de la finance, d'accord ? Ou, puisque je parlais des retraites, des groupes d'assurance, etc. Donc c'est eux qui fixent la ligne. Donc le long terme n'existe plus. Donc il faudrait renouer avec cet esprit de long terme, cet esprit donc, où la communauté du peuple, dans sa, à la fois dans le temps et dans l'espace, est le principe organisateur. D'accord ? Mais pour avoir cette vision à long terme, vous ne pouvez pas avoir des élections tous les ans. D'accord ? Parce que la démocratie est aussi fondée sur quelque chose de profondément féminin, c'est-à-dire le changement d'humeur. Voilà, alors à un moment l'opinion est en colère sur tel sujet, à un moment et puis en plus elle est travaillée par la presse dans ces sautes d'humeur, n'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous fixer sur les véritables questions qui importent réellement. Donc la question démographique n'est pas traitée. Enfin, elle est traitée. Bien sûr qu'elle est traitée par l'immigration, mais elle n'est pas traitée comme elle le devrait, parce qu'elle est escamotée. Elle est escamotée. Donc la confiance n'est pas au rendez-vous, l'hédonisme généré par l'individualisme fait que les gens se focalisent sur leur bien-être, sur des gratifications immédiates et non pas sur, effectivement, ce que vous avez dit, la perpétuation du peuple, son intérêt à long terme. C'est conditionné évidemment par le système politique, c'est encouragé par les médias, c'est un phénomène culturel. Et tant qu'on ne rompt pas avec ça, on peut pas rétablir la situation. Hein. Et là, ils arrivent avec des prothèses. On dit, ah oui, non, mais l'immigration, etc. Bien sûr, à court terme, pour le financier ou pour l'homme politique de gauche, l'immigration, c'est très bien. Mais à long terme, pour un pays, c'est la mort. Et tous les débats qu'ils ont là, ils sont en train de s'exciter sur les questions identitaires, d'immigration, alors que ce soit par Zemmour, Marine Le Pen. Mais ils s'excitent sur les conséquences. Ces gens-là n'existeraient pas si, en premier lieu, les conditions objectives pour leur apparition n'étaient pas là. Donc, s'ils ont un problème avec ce type de discussion sur le grand remplacement, sur l'islamisation, etc., ou l'islamophobie, ou la haine en ligne, ça c'est un grand sujet aussi, la haine en ligne, etc. Mais ça n'existerait pas en premier lieu s'ils n'avaient pas créé les conditions des tensions interethniques qu'ils ont façonnées eux-mêmes par leur politique, n'est-ce pas ? Parce que ces gens-là ne peuvent pas penser le long terme. Ils ne pensent pas le long terme ne les intéresse pas, vous voyez, donc c'est assez profond quand même comme crise, et quand on remet l'histoire au cœur du débat, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est sur le long terme, qu'est-ce qui nous constitue, vers quoi veut-on aller, on est déjà, je pense qu'on fait déjà un pas dans la bonne direction, parce qu'on sort de ce court-termisme généré par l'individualisme qui est le fruit de la démocratie. Oui, Gandalf, je voulais habiller une partie de ton propos aussi, ça t'en embête pas. C'est l'une des essences de ce propos, c'est de sortir d'un subterfuge fondamental de la démocratie. Quand tu as dit tout à l'heure que les gens pensent qu'ils ont un choix, les démocraties sont comme la plupart des régimes politiques, incapable de faire des choix sans se changer substantiellement. Quand les Athéniens ont mis en place leur démocratie, le but c'était de gérer les questions comme la guerre, la paix, les relations. Il n'a jamais été question de changer fondamentalement la vie des Athéniens, et quand c'est arrivé, ça a été au prix d'un changement profond du régime lui-même. La France de la Ve République, c'est une démocratie sociale juive. Il faut donc comprendre que tout ce qu'on appelle alternative politique ne peut s'inscrire que dans ce schéma. Dit encore autrement, la démocratie ne peut s'occuper que de broutilles. Ceux qui pensent que on peut aboutir à un changement réel du destin de notre pays par ce système se font des illusions. Il ne peut y avoir de changement du destin de notre pays que par un changement du régime, c'est-à-dire du cadre des institutions, et pas simplement des hommes qui la composent. C'est ça le subterfuge de la démocratie. Oui, très juste. En gros, ce que tu veux dire, c'est-à-dire, bon, vous pouvez changer de président, tant qu'il y a une présidence, rien ne change. C'est ça que tu veux dire, en substance. En substance, c'est vrai pratiquement pour tout régime politique. La monarchie anglaise a à peu près le même ADN depuis 200-300 ans. La République française a le même ADN depuis 200-300 ans. Qu'on foute des gauchistes, des droitards, ça ne change rien. Et le meilleur exemple, ça a été peut-être paradoxalement l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 81. Le gars critiquait la cinquième, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il l'abolit pas, il continue. Le gars veut se lancer dans une politique de communisme accéléré, c'est trop rapide pour le système, on fait un retour en arrière et on rentre dans les clous. Ça a fait dériver le bateau de quelques degrés, mais fondamentalement, le cap est toujours droit sur l'iceberg. Oui, tout à fait. Et je dirais même, si vous voulez changer les hommes, il faut changer le système. Le système aussi, dans sa nature, appelle un certain type d'homme. Donc, si on veut se virer ces gens-là, qui sont des gens très très corrompus, très très malhonnêtes, c'est pas avec un système démocratique qu'on y arrivera. Ah, la démocratie n'est pas un contenant sans contenu, c'est un contenu. Et la République française est un contenu encore plus contenant, si j'ose dire, que la démocratie en général. Et on sait très bien par qui elle est contenue. Oui, ce type de discussion qu'on voit actuellement, hein, notamment avec la candidature de Zemmour, qui est un leurre en fait, qui va générer, à mon avis, beaucoup de. Enfin, il y a encore des. Je pense qu'il y a beaucoup de naïfs qui vont encore tomber de leur chaise une nouvelle fois, mais c'est le type de discussion, si vous voulez, qu'avaient certains en RDA, en Allemagne de l'Est, et même certains en Russie. Mais bon, je vais donner juste l'Allemagne de l'Est communiste. Dans les années 80, moi, ça m'a beaucoup frappé de voir des jeunes, c'était des jeunes, hein, qui étaient officiellement opposants en fait au parti unique en place en Allemagne de l'Est, quoi. Mais ce qui était très fascinant, donc parce que bon, moi, je visionne quand même des témoignages d'époque, etc. Donc je regarde comment les choses se sont passées, ce que disaient à l'époque les opposants d'eux-mêmes. Vous voyez, c'était intéressant. Il faut comprendre une chose, c'est que les opposants à la RDA n'étaient pas, ça c'est frappant, n'étaient pas des opposants de droite. C'était pas des nationalistes qui voulaient se débarrasser du communisme. C'était une opposition de gauche. D'accord ? Et le discours des opposants qui se réunissaient, oui, qui prenaient des risques, attention, hein, je suis pas en train de dire que ces gens-là étaient des gens qui ne prenaient pas de risques pour leurs idées, mais leur angle de vue était le suivant. Le parti qui dominait l'Allemagne de l'Est, donc qui était un parti marxiste-léniniste, hein, aligné sur l'Union soviétique, avait trahi l'idéal marxiste. Et eux proposaient un renouvellement, un renouveau du socialisme pour ramener en fait la société vers le chemin du véritable socialisme. Voilà. Donc Donc, ceux qui dirigeaient à l'époque l'ARDA, finalement, étaient des cyniques, des gens qui avaient perdu de vue le grand idéal de Karl Marx. Et c'était des gens comme ça dont il fallait se débarrasser, remettre de la jeunesse, remettre de l'idéal, remettre de l'énergie dans ce grand projet marxiste. Donc, c'était une critique gauchiste de la direction politique de l'ARDA. C'était pas une critique droitiste ou néo-fasciste, du tout. Ou néo-hitlérienne, mais pas du tout, pas du tout. Et comment dirais-je, le pouvoir s'en débarrassait généralement, sauf qu'on les foutait un peu en tôle, on les foutait de toute façon sous surveillance, et généralement, en fait, on les poussait à l'exil, on les foutait dehors, on les allait en Allemagne de l'Ouest, jouer de la guitare, et on sera, tout sera beaucoup mieux, quoi. Et c'est ce qu'ils allaient faire, généralement. Ils allaient jouer de la guitare en Europe, en Allemagne de l'Ouest, où ils étaient accueillis à bras ouverts par l'Allemagne, comment dirais-je, trotsko-capitaliste. Tout ça pour dire quoi ? Aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique de fond du système démocratique. Personne n'est là, mais en fait, la démocratie, c'est une imposture pour les raisons qu'on a dites, quoi, que ce soit la vertu alléguée de la majorité qui vote, que ce soit même l'objet même des élections, à savoir désigner un représentant qui, de toute façon, est happé par une machine, etc. En fait, les gens continuent à dire « Non, mais vous comprenez, la démocratie, c'est très bien, c'est le meilleur système. Simplement, voilà, les dirigeants du moment, c'est pas les bons, on choisit pas dans les meilleures couches de la société, il y a des gens qui auraient des choses à faire, mais c'est pas ceux-là qui ont accès aux responsabilités, etc. etc. » On a le même type de discours, voire même des discours hyper démocratiques. Et ça, c'est le cas de Chouard. En fait, il dit « La démocratie, ça marche pas, c'est parce qu'on n'en fait pas assez. » On n'en fait pas assez, il faut retourner à l'idée originelle de la démocratie, vous voyez. Et puis le temps continue à avancer, et puis le dissolvant continue à faire son effet, et puis les états démocratiques deviennent de plus en plus des jungles, et voilà, enfin, on connaît très bien la fin, quoi. Voilà. Mais c'est drôle à voir. Alors, messieurs, je vous propose de passer au courrier suivant. Intéressant, ça nous vient d'Alsace, c'est Céline. On passe un bonjour amical à Céline. Alors, notre auditeur est excédé. Il est excédé. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, notre auditeur est d'Alsace. Hein. Alors, voici ce qu'il nous dit. Alors, les écolo-gauchistes sont en roue libre. Une autoroute limitée à 70 km/h, une grande première, un grand progrès, une avancée significative pour les droits de l'homme à se faire perpétuellement sodomiser par des débiles mentaux. Alors en fait, oui, effectivement, donc ils ont inauguré en Alsace une autoroute à 70. Bon. Alors voici ce qu'il nous dit, notre auditeur. Alors quelques réflexions rapides. Ce type de mesure expérimentale de soumission et de délire collectif est systématiquement testé chez nous en Alsace. Pour une raison simple, le caractère germanique, très légaliste et respectueux de l'autorité des populations. Si ça passe chez nous, alors ils essayent en France, fort du précédent ainsi généré. Ensuite, en 2005, j'ai passé mon permis, l'A35, donc l'autoroute en question, était à 130 km/h, partout, sauf la quinzaine de kilomètres desservant la proche banlieue strasbourgeoise et les différents quartiers de la ville, où la vitesse limite était de 110 km/h. Donc aujourd'hui, si je roule en respectant les règles d'il y a 15 ans, je verrai mon véhicule immobilisé, mon permis saisi, une amende à 4 chiffres et potentiellement une peine de prison pour délit de grande vitesse. Tout va bien. La domestication et l'abrutissement complet des gens prend une tournure plus qu'inquiétante, tout s'accélère. J'attends avec impatience les zones 30 km/h sur les autoroutes. Et ne pensez pas que je plaisante. Cette vieille traînée de Barcé-Glian, donc ça c'est la mère arménienne de Strasbourg en fait, hein, qui courtise les islamistes turcs qui ont d'ailleurs copieusement décapité son peuple. Donc a même décidé de mettre l'une des trois voies en couloir de bus. Or, Or, les bus de la CTS, donc la compagnie de transport strasbourgeois, n'empruntent pas l'autoroute. C'est proprement phénoménal. Donc, en fait, il y a un couloir de bus sur l'autoroute, mais les bus ne peuvent pas y aller. Bon, ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est une écolo. Et bientôt une piste cyclable. Bah, moi, j'attends la piscine et la fanfare. Tu me vois, tu me suis. Alors, dernière remarque. La situation du trafic à Strasbourg est désastreuse. Il faut entre 7h et 9h, souvent entre midi et 2, et entre 16h et 19, plus d'une heure pour traverser du sud au nord ou du nord au sud la quinzaine de kilomètres dans la ville. Dans la ville, les seuls axes fluides ont été systématiquement engorgés volontairement. Pistes cyclables, tram, réduction des voies de circulation, pas des terre-pleins inutiles, des chicanes, etc. Leur politique assumée est de dégoûter les gens de la voiture. Dans la même veine, le stationnement est désormais partout payant, y compris entre midi et deux. Excellente mesure pour le commerce et les bistrots. Problème, les prix de logement ont atteint de tels niveaux, entre 7 et 8 000 euros le mètre carré dans les constructions neuves bien situées, que les gens qui travaillent à Strasbourg habitent en grande partie dans les villages alentours, de plus en plus éloignés d'ailleurs. Évidemment, l'immigration a largement contribué, elle aussi, à ce déplacement de population par un phénomène de centrifugeuse. Pour finir, je vous invite à visionner des photos du marché de Noël qu'ils ont réussi à complètement détruire. Le centre historique est totalement bunkerisé. Checkpoint à chaque entrée, militaires en armes, présence policière massive, supplétifs covidistes dans des tentes blanches qui hurlent « Masque !» aux gens qui pénètrent dans l'hypercentre. À présent, contrôle du pass sanitaire pour acheter du vin chaud, avec des emplacements dédiés réservés à la consommation de nourriture et boissons. Sans compter les chinoiseries ignobles vendues sur des stands, jadis tenues par des artisans du cru, des producteurs locaux, etc. Plus rien de tout cela à présent, juste une attraction bas de gamme, dénaturée et angoissante. Ne subsistent que la cathédrale et les vieilles maisons à colombages, quelques magnifiques bâtiments prussiens. Pour combien de temps encore ? Bien à vous, donc, et c'est signé Céline. Alors là, en pleine immersion à Strasbourg, en fait, c'est la dystopie écolo-communiste. Hein. Là, on est en mode Great Reset, si vous voulez. D'ailleurs, ça fait le lien avec, vous savez, le projet là pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont je vous avais dit là-dessus qu'il préparait un truc. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit ça il y a quelques émissions. Alors, sur le courrier de notre auditeur, qui veut réagir ? C'est une ville vraiment magnifique, et là, les écolo-communistes parviennent vraiment à... non pas comme les alchimistes à transformer le plomb en or, mais là à transformer l'or en plomb. Quoi. C'est véritablement une ville sublime, ils arrivent à en faire un cloaque, donc bravo à eux, chapeau bas. Genre. Un petit peu comme Madame Hidalgo à Paris également. Oui. Je pense que l'auteur a mis le doigt sur le fond du problème quand il dit le but c'est de dégoûter les gens de la voiture. Ouais, clairement c'est ça, c'est une guerre vraiment contre la bagnole. Hein. Je pense qu'elle est assez ancienne, hein. Ça s'est fait progressivement. Au moins des années 90, mais là, ça commence vraiment à devenir très très violent. Quoi. Il faut plus que les gens aient une voiture. Hein. Vous finirez en vélo, en trottinette électrique ou à pied, mais ils veulent plus que vous ayez de bagnole. Ah oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est le dogme absolument central. Mais les gens peut-être n'identifient pas tout à fait la raison, le pourquoi du comment. Donc vous savez, il y a le mythe du réchauffement climatique. Bon, ça, c'est pour les idiots. Hein. Bon, le climat change tout le temps. La Terre est est vivante, elle bouge. Il y a des cycles solaires. Voilà, il y a des variations de température, etc. Bon, bref. Non, là, ils sont en train de mentir aux gens parce qu'en fait, ils ont vraiment envie, entre guillemets, de les clouer au sol pour en faire de parfaits zilotes. Voilà. Il n'est plus question que les gens puissent se déplacer librement pour aller où ils veulent, quand ils veulent. Ça, c'est terminé. C'est exactement comme en RDA, je reprends cette analogie, mais c'est exactement la même chose. Il n'est pas question pour vous d'aller d'un point A à un point B librement. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de parvenir à ce résultat, d'accord ? Vous pouvez, d'autorité, publiquement, officiellement, par déploiement policier, par vérification, empêcher les gens de se déplacer librement. Bon, bah là, les confinements ont contribué à ça, hein, vous l'avez vu, le pass sanitaire contribue à ça, le pass sanitaire vise à empêcher les gens d'aller dans certains endroits. Ils vont l'améliorer, hein. D'ailleurs, il y a une discussion en ce moment autour de... D'ailleurs, c'est Castex qui en a parlé, mais je j'ai plus le détail exactement, mais l'idée flotte au gouvernement, mais vous allez voir que ça va se faire, de coupler le pass sanitaire à la pièce d'identité. je l'avais dit, ça va venir, et ils vont ensuite faire une application unique au niveau européen, où vous aurez votre passeport, votre véritable passeport, votre passeport sanitaire, vous aurez votre carte d'identité, vous aurez votre permis de conduire, tout sera ça dans une seule application, d'accord ? Et le but est évidemment de vous contrôler. Alors, ça, c'est... Oserais-je dire un anneau unique pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier ? Oui, mais c'est un peu ça. Alors, mais d'abord, ça, c'est l'autoritaire. Ensuite, il y a les conditions objectives. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez forcer les gens à ne pas se déplacer en réglant le problème à la source, en fait. Donc, si vous rendez très difficile l'accès à la voiture, par exemple, par le coût d'un véhicule, ou le coût de l'énergie pour l'employé, ou le déplacement en voiture, parce que comme à Strasbourg, en fait, on vous rend la circulation impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on met pratiquement des bunkers sur votre route pour pas... Enfin, vous allez rouler que sur des nids de poules, quoi, presque. Vous voyez, ça, c'est un autre moyen d'y parvenir. Mais quand vous couplez tout, vous avez votre résultat final. D'accord ? Donc, tout le monde en électrique, d'accord. Mais la production d'électricité reste plus ou moins la même. Comment on fait ? Ben, on n'électrifie pas, en fait, le parc. Ah, oui, bah oui. Donc, le coût du véhicule va considérablement augmenter. On va vous mettre dans des véhicules collectivisés. Donc, des bus, des machins de ce style-là, quoi. Vous voulez prendre l'avion ? Ah non, désolé. Ah ouais, réchauffement climatique, c'est pas possible. Pas de déplacement d'avion comme vous voulez. On ferme des lignes, rappelez-vous, hein. Premier confinement, et ça c'est Macron qui a mis ça sur la table, les gens n'ont peut-être pas compris, n'ont peut-être pas réfléchi, mais quand ils ont fait le premier confinement et que Air France et d'autres compagnies aériennes ont eu des difficultés, ils ont dit d'accord, oui, on met de l'argent, mais une seule condition, c'est que vous fermez des lignes parce que réchauffement climatique, hein, comment c'est, quel rapport quel rapport avec le Covid, je comprends pas. Bon. Ok, donc on voit bien la ligne. Alors là, chez les écolo-communistes, enfin il y a toute une série maintenant de villes qui sont tombées dans l'escarcelle des écolo-communistes, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, on en a parlé la semaine dernière, Lyon, il y en a d'autres qui sont co-gouvernés par les écolo-communistes, hein, Lille, il y a aussi Marseille. Là, ça va plus vite. Le Great Reset se déploie beaucoup plus rapidement, quoi. Et ça donne le témoignage de notre ami de Strasbourg, quoi, où là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, en fait. C'est que vous ne voulez plus rouler en voiture. Et puis, en fait les gens vont fuir ces villes-là, quoi. C'est-à-dire qu'au final, si vous ne pouvez plus rouler en bagnole, comme vous voulez, que de toute façon, dans cette ville-là, il n'y a plus que des nègres, des migrants, des cas sociaux, que sais-je. Les gens, c'est simple, les gens, ils partent, c'est ce qui se passe déjà. Ils nous disent, voilà, ils s'éloignent de plus en plus, ils vont dans les villages, et puis au bout d'un moment, les gens, ils vont même plus aller vers la ville elle-même, hein, ils vont rester là où ils sont. À mon avis. Puis-je appuyer ton propos avec un chiffre, Gandalf ? Je viens de regarder, puisqu'on parlait à la fois de dégoûter les Français des voitures, mais dans une autre partie du courrier, l'auditeur parle du prix des logements, qui atteint des niveaux de 7-8 000 euros le mètre carré, ce qui pour une ville de province française est absolument délirant. La ville de Strasbourg compte pour à peu près 30% de logements sociaux. Un habitat sur trois à Strasbourg, c'est du logement social. Donc ça vous donne aussi, pour parler de la centrifugeuse à Nègre, une idée de la capacité de la mairie à vous injecter de force du Nègre partout. Alors, pas partout, parce que quand on regarde la répartition de ces logements, là où il y en a le moins, bizarrement, c'est dans les secteurs, ceux qui connaissent la ville, de l'hypercentre et du quartier de l'Orangerie. Mais dès que vous sortez du quartier de l'Orangerie et de l'hypercentre, même en allant vers Bourse-Esplanade, Verneau, Maino, Elzao, etc., ça pullule de logements sociaux. Il devient impossible pour le français moyen indépendant, donc le blanc non parasitaire, et même on en veut dire le bougnou ou le nègre non parasitaire, de se loger. Et ça, c'est dégueulasse. Bah, de toute façon, ils veulent passer à la vitesse supérieure sur cette histoire de logement social. Je crois qu'ils veulent d'abord augmenter le nombre de logements sociaux obligatoires par commune sur tout le territoire français. Et oui. Ils veulent augmenter aussi considérablement les amendes pour les communes qui refusent de le faire. Parce que vous savez, en fait, typiquement, les mairies qui sont gouvernées par la droite payent des amendes pour pas loger des nègres et des bougnoules, des cassos, etc. Pour pas avoir une ville infecte, en fait. Et l'électorat attend ça d'ailleurs. Et ils payent généreusement les amendes. Et évidemment, la bureaucratie et les partis de gauche qui veulent conquérir ces mairies, eux, bah, en fait, leurs troupes, vous savez, il y a deux façons de conquérir une ville quand on est de gauche. Hein. C'est soit on conquiert les électeurs, soit on conquiert la ville par des nègres, en fait. Et bon, ils ont abandonné l'idée de conquérir des électeurs, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils conquièrent par des nègres. Donc en fait, ils veulent forcer la porte. Donc en fait, ils veulent obliger les communes à accepter leurs futurs électeurs pour prendre ces villes, en fait. C'est ça. C'est tout en appauvrissant ceux qui sont juste au-dessus du seuil de ces logements sociaux, qui voient ainsi le coût de l'immobilier exploser, et effectivement s'assurant une rente électorale. C'est dégueulasse. C'est... Ah oui, non, ça c'est la machine infernale démocratique, encore une fois. Hein, là. Et je vais vous donner un autre exemple. Saint-Nazaire. Donc là, on quitte l'Alsace, on va en Bretagne. Saint-Nazaire, alors une ville de gauche, socialiste. Alors, il y a des demandes en attente de logement social. Il y en a 5000 sur la ville de Saint-Nazaire. Il y en a 5000. Il y en a 3600 qui sont des migrants primo-arrivants, c'est-à-dire qui viennent de leur bled d'Afrique. Ok ? Donc 70% des demandes de logement social en attente aujourd'hui à Saint-Nazaire, c'est du nègre, c'est du bico. Et vous avez la mairie qui essaye d'accélérer les constructions de logements sociaux. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y a l'idée de dire bon stop, ça suffit. Non, non, c'est il faut construire plus, etc. C'est une énorme pompe à nègres. Le Parti socialiste, les partis de gauche d'une manière générale, mais même pas que les partis de gauche, l'État français en lui-même est une énorme pompe à nègres. Et ils sont en train de les foutre partout. Et je voyais sur le forum Europe Écologie Les Brins des discussions, ça concernait Épinal. Je salue les membres du forum d'ailleurs qui échangeaient là-dessus et leurs témoignages. Je pense que c'est dans le guide racial des villes. Hein. Il y a toujours des discussions très, très, très détaillées sur le paysage ethnographique français. Ils disaient qu'Épinal, grosso modo, donc dans les années 2000, il y avait pas de nègres. En fait. C'était anecdotique, ça n'existait pas. À partir des années 2000, on a commencé à en voir. Et là, le témoignage, c'est que ces deux, trois dernières années, c'est du repeuplement soviétique. C'est du repeuplement soviétique. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Union soviétique avait lancé le grand principe de la réorganisation territoriale par déplacement de population. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais l'Union soviétique, les bolcheviks, étaient très familiers en fait, de l'ingénierie raciale. Donc, ils prenaient des populations qu'ils considéraient comme loyalistes, ils les envoyaient dans un endroit où on estimait qu'il y avait, au contraire, une très forte résistance à l'ordre bolchevique. Vous voyez, on faisait comme ça. Donc, on faisait rouler des wagons à bestiaux, on envoyait des populations entières dans une région où ils n'avaient jamais mis les pieds, et on expulsait toutes les populations suspectes, et on les plaçait là, en fait, comme espèce de relais du pouvoir bolchevique. Quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, mais avec le système globaliste, en fait. D'accord ? Donc, on a troqué les bolcheviques de 1918 par des hommes en costard-cravate qui sont tantôt hauts fonctionnaires, tantôt représentants de la haute finance, tantôt des cadres d'ONG d'aide aux migrants, tantôt des rombières de l'éducation nationale en retraite qui se font bourriquer par des cafres. Donc, et ça, c'est ces gens-là qui vous imposent ce repeuplement. D'accord ? C'est organisé, comprenez bien, c'est une politique. C'est pas le fruit du hasard. Il y a une incompréhension là-dessus, parce que en fait c'est comme ça que les gens l'expérimentent en bout de chaîne. D'accord ? Vous sortez, vous êtes au coin de la rue, tout d'un coup vous voyez des nègres et vous dites mais comment ils sont arrivés là quoi ? Ils sont venus à pied ou comment ça se passe ? Non, c'est une décision de l'administration centrale. L'administration centrale délivre les visas, ne les expulse pas, les concentre dans des centres ou des véritables camps de transit qui sont des centres d'accueil bien sûr. Et ensuite les réoriente. Ils sont réorientés dans chaque préfecture sous la supervision du préfet avec des commissaires politiques qui sont déguisés en associatifs qui pilotent la politique du repeuplement. Et c'est comme ça que vous les voyez arriver dans les villes, dans les villages. Et c'est pour cette raison qu'ils sont systématiquement prioritaires dans les logements sociaux. Ce qui vous donne la situation de Saint-Nazaire pour ne citer que Saint-Nazaire. D'accord ? Donc quand on parle de logement social, il faut changer le terme. Hein. C'est du logement racial. Et c'est effrayant, mais c'est comme ça. Et c'est une politique au plus haut niveau. Donc ce n'est pas un malentendu, ce n'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas compris, ce n'est pas quelque chose que ni au ministère de l'Intérieur, ni à Bercy, ni dans le ministère du Logement, ce n'est pas quelque chose qu'ils n'ont pas appréhendé complètement. Hein. Ils comprennent très bien ce qu'ils font. Donc après le génocide à Babruy, là on peut parler du génocide à la bétonnière. Ah ben c'est ça, mais c'est effrayant, je veux dire, ce qui est en train de se passer, c'est effrayant. Donc il y a des mouvements de population énormes, donc le logement social, donc les blancs qui travaillent, sont... le logement social à la base était fait pour les travailleurs blancs. Hein. Bon, ça c'est fini. Maintenant c'est fait pour le tiers-monde. D'accord. Vous allez me dire, oui, mais on le sait ça, oui, certes, mais ça continue, je veux dire, ça continue, on en construit d'autres. D'accord. Et en plus, attendez, attention, hein, aux normes écologiques, moi je trouve ça fascinant, c'est toujours un peu mystérieux. Je comprends pas pourquoi on va mettre des nègres dans des logements, comment dirais-je, aux normes écologiques, trucs machin, isolés, mabins. Enfin, j'ai du mal à saisir un peu le concept, quoi. Je veux dire, ils seraient très heureux dans des cahutes en bois, hein, je veux dire. Voilà. Alors, pas nous nécessairement, mais eux le seraient certainement, je veux dire. Ils feraient autant de gosses, enfin, ça changerait rien, quoi. Mais bon, voilà, donc pour en revenir donc à Strasbourg, bah voilà la dystopie la plus complète. Alors, si vous y ajoutez l'énorme mosquée que fait construire Erdogan, qui est la plus grande mosquée d'Europe, ça se veut l'équivalent de Sainte-Sophie, quoi, reconvertie en mosquée. Mais c'est exactement ça, c'est une espèce d'énorme marque de conquête islamique au cœur de Strasbourg. Hein, donc, un projet qui est soutenu par Miligorus, là, vous savez, une organisation islamique. Qui a pour projet de conquérir l'Europe pour en faire une terre d'islam, bien évidemment. Donc, et tout ça se passe sous le regard attendri donc d'une femme, premièrement, arménienne, deuxièmement, qui est alliée aux islamistes turcs. Donc, une femme de gauche, donc qui se dit écologiste. Bon. Mais après, si vous voulez, elle n'est pas élue par hasard. C'est ça le problème aussi. Il y a quelque chose qui me déplaît un peu dans la rhétorique sur toutes ces questions, c'est de faire croire que le peuple souffre et subit ça. Non, ils votent. Ils votent cordialement pour des gens comme ça. C'est ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de malentendu. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont dans Strasbourg veulent ça. C'est-à-dire que vous, la dystopie que vous voyez, la laideur que vous voyez, eux, ils ne comprennent pas ce dont vous leur parlez. Ils sont même outrés par vos propos. Pour eux, au contraire, ça, c'est beau. Un nègre au pied d'une maison typique à colombage alsacienne, c'est beau. Voyez, un cube en béton posé de travers qu'on présente comme une sculpture sur un rond-point, c'est beau. Voyez, c'est... Ouais, c'est bon, voilà. c'est fou, mais c'est comme ça. À Brest, ils en ont une comme ça, pour l'anecdote. Hein. Ils ont une sculpture, c'est un escalier qui ne mène à rien. je ne blague pas. C'est un escalier, enfin, c'est deux escaliers qui s'emboîtent, et ils s'arrêtent net. C'est une métaphore du droit de vote. C'est possible. C'est possible, ouais. Mais ils en sont très fiers, hein, je veux dire. Ils en sont vraiment très très fiers, quoi. Et puis, ou sinon, ils sponsorisent aussi des graves de nègres. Donc ils payent des nègres à défigurer en fait l'espace visuel. Alors évidemment en taguant des trucs de nègres. Voilà, c'est donc on est dans une phase de dystopie accélérée qui est enfin entre les écologistes entre les écolos marxistes radicaux, les nègres et les bicots islamistes, les femelles folles à cheveux bleus en surpoids. Là. Quand tu mets tout ça en même temps, t'as l'impression que enfin, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Quoi. T'as juste oublié les boomers qui cautionnent ça pour vivre jusqu'à 120 ans. C'est vrai, autant pour moi. Alors du coup, je voulais solliciter votre attention aussi sur un point, c'est le projet de réaménagement intérieur de Notre-Dame de Paris. J'adore la formule parce que, vous savez, on a l'impression qu'on va, c'est de la muséographie type Pompidou, là, on va réaménager, tu vois, on va se réapproprier l'espace, quoi. Alors là, ils vont, ça promet, hein. Donc il y aura des œuvres d'art contemporain, il y aura des projections sur les murs, il y aura des trucs dans, je sais pas, peut-être une centaine de sabirs, probablement des trucs, des dialectes inconnus d'Afrique centrale, je sais pas, il y aura des trucs bizarres. Et alors, ça a été présenté en grande pompe hein, par le diocèse. Ils en sont extrêmement fiers, en dépit des protestations, y compris de gens qui ne sont pas des catholiques, hein, qui ne sont pas des catholiques. Hein. Qu'est-ce que vous avez à penser de ce projet de réappropriation? Est-ce qu'il y aura des pis Christ ou pas? Ah, je crois pas, à mon avis. Non. Ah, c'est peut-être un peu trop tôt, là. Il faut attendre, il faut y aller progressivement. Je sais pas. Mais non, enfin, on est dans la déconstruction. Bah, il l'avait brûlée en même temps, donc elle était déjà pas mal déconstruite, quoi. Mais pour moi, on va voir hein, ce qu'ils vont faire, mais à mon avis... Enfin, ça souligne la thèse qui a été... Enfin, moi, c'était ma thèse, mais il y avait beaucoup de gens qui y croyaient aussi. D'abord, qui ne croyaient pas du tout à l'accident, ça, c'est une chose. Qui croyaient à la destruction volontaire. Et pour moi, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur de l'appareil d'État. C'est évident. Et pour moi, pour ma part, moi, j'y vois... À mon avis, la maçonnerie n'est pas très éloignée de ça, à mon sens. Disons que s'il y a eu accident, le seul accident, c'est que la cathédrale ne se soit pas complètement écroulée. Oui, voilà. Enfin, bon, de toute façon, les spécialistes d'incendie avaient dit non, de toute façon, une toiture comme ça prend pas feu comme ça parce qu'on laisse un mégot traîner. C'était pas, ça n'a pas d'explication. Et donc, de voir le fameux la révolution culturelle, parce que c'est ça, hein, j'en ai parlé la semaine dernière, on est dans cette révolution culturelle-là. S'emparer de Notre-Dame de Paris me paraît évident et l'Église catholique qui n'est plus vraiment catholique hein, je veux dire au sens historique du terme accompagne le processus hein, mais comme Bergoglio etc. Donc voilà ça me paraît assez clair. Alors j'en profite. Parce que j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus aussi. Parce que, enfin, en tout cas, Captain America voulait parler de ça, là, d'histoire d'un concert avec une femme suédoise, je crois, une artiste suédoise, qui devait se produire dans une église de Nantes. Ça n'a pas pu se faire puisque des catholiques s'y sont opposés. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Ah ben un peu plus, pas beaucoup plus, parce que je n'ai vu que l'info traîner sur les réseaux sociaux. Et donc il y a des jeunes militants catholiques qui sont opposés à la venue d'une entre guillemets artiste qui allait chanter des chansons qui faisaient référence à Satan quoi. Donc ces jeunes gens fervents catholiques se sont dit qu'ils ne pouvaient pas laisser passer ça. Donc je tenais à les féliciter parce que c'est très bien de s'être organisé pour empêcher ça dans un premier temps à Nantes. Et je pense que lorsque le concert était déplacé à Paris, peut-être une bêtise, mais il me semble que qu'un autre groupe s'était monté à Paris pour l'empêcher. Ou ils essayaient justement de monter un autre groupe. Alors parce que après, est-ce que ça réussit ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'il y ait plus d'initiatives comme celle-ci, parce que ce sont des choses qui mangent pas de pain, qui mettent des bâtons dans les roues des gens qui veulent nous crever, quoi. Alors, quand on en a un peu parlé entre nous tout à l'heure, et tu m'as dit qu'en fait le problème vient du diocèse. C'est le diocèse qui apparemment avait autorisé la venue de cet artiste. Ah oui, tout à fait. Je vais te laisser développer là-dessus après. Ah oui, mais, oui. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est je veux dire, catholiques qui sont mobilisés, félicitations à vous. Parce que vous avez vraiment des forces vives et ça, c'est très bien. Continuez à faire ce genre de manifestation. En revanche, puisque Gandalf, toi, tu vas pas du diocèse, ben, j'ai envie de dire maintenant. Pas comme la majorité des Français, ne chérissez pas les causes qui vous amènent des conséquences que vous ne souhaitez pas en fait. Donc maintenant, il va falloir aller voir le diocèse et taper du poing là-bas, quoi. Je t'en prie, Gandalf. Ah ben oui, ben voilà, mais ça c'est le problème. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont hurlé à l'anticatholicisme, etc. Ben, le problème, est, malheureusement, c'est que c'est pas le cas. Vous allez voir où je veux en venir. Évidemment, les catholiques traditionnistes, ils vont dire, bah si, c'est de l'anticatholicisme. Moi, je dis que c'est pas de l'anticatholicisme parce que c'est venu de l'intérieur, si vous voulez. Donc, c'est pas une agression extérieure menée par la municipalité de gauche pour humilier les catholiques, pour traîner dans la boue leur religion, etc. C'est pas ça. C'est véritablement une initiative qui vient de l'intérieur du diocèse, qui a, comment dirais-je, le mot sur l'utilisation qui est faite des lieux de culte. Donc, si ça avait été un lieu de culte qui avait été utilisé à l'initiative de la mairie ou d'une association de gauche ou cultureuse pour déverser de la bile, si vous voulez, contre les catholiques, ce serait déjà une chose, mais ce n'est pas le cas, là. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, les catholiques qui ont réagi sont en opposition avec leur propre clergé. C'est là le problème, d'accord? Donc, avant même de considérer ce que peuvent faire des gens extérieurs et aussi à leur lieu, le fait est que le clergé catholique organise lui-même le sabotage. C'est ça la réalité. Alors maintenant sur Nantes, bah, vous connaissez le clergé de Nantes, vous connaissez l'évêché de Nantes, vous connaissez l'évêque de Nantes. C'est celui qui a accueilli le migrant rwandais qui a incendié la cathédrale de Nantes, qui a ravagé au passage un orgue d'une très grande valeur du XVIIe siècle, très grande valeur patrimoniale, d'accord ? Il est parti dans les flammes. Parce que cette organisation qu'est l'Église catholique, qui organise l'invasion de l'Europe, d'accord ? Sur ordre du Vatican, avait fait venir cette espèce de nègre incendiaire. Mais non seulement ça, mais quand il a été pris et qu'il a avoué les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le clergé catholique l'a pris sous son aile. Et qu'est-ce qu'a fait ce nègre du Rwanda? Il a assassiné le crétin de prêtre qui avait tendu l'autre joue. Ah oui, tu tends l'autre joue à un nègre. Eh ben, il t'en fout une deuxième, et c'est ce qui s'est passé. Donc, l'autre, il a été refroidi, et il est parti ad patres. Bon, ben voilà, il a été exaucé, au moins, celui-là. Voilà. Donc, le nègre, maintenant, est entre quatre murs. Bon, attendez, hein, l'histoire n'est pas terminée. La République est bonne fille, faisons-lui confiance, dans 10 ans, il est dehors, pour aller recramer encore quelque chose, ou violer une blanche, ou aller savoir ce qu'il va faire encore, ce nègre. Bon, bref. Donc, on le connaît, le clergé catholique en général, et surtout dans ses œuvres dans le diocèse de Nantes. On le connaît. Et là, eh ben, ils étaient encore dans leur travail de destruction, mais de leur propre religion, en tout cas officiellement. Officiellement, c'est censé être leur religion. Bon. Donc, ils la sabotent eux-mêmes. Donc, le problème est là. Et bon, alors moi, je ne suis pas... c'est à eux de voir comment ils s'en arrangent, mais le fait est que, si vous voulez, ces chrétiens-là, ces catholiques orthodoxes-là, on va dire, parce qu'on les appelle catholiques intégristes, ça ne veut rien dire. Enfin, quand vous lisez le truc, moi, j'étais complètement stupéfait devant les articles que j'ai vus dans la presse. Pas surpris, mais stupéfait. Parce que qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que disait France Info? Il disait des catholiques intégristes ont empêché l'accès. Attendez, la nana, chante des textes dans lesquels elle dit qu'elle couche avec le diable. Bon. Alors, bon, si c'est des chants qui l'intéressent, très bien. Elle se produit dans une salle de concert, dans un bar, dans un cafcon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire. Mais à l'évidence, pas dans une église qui est un lieu de culte, où évidemment ce type de chant est une attaque directe contre le culte en question. Je veux dire, est-ce qu'on imagine une conférence de Vincent Renoir, comment dire, à la synagogue de la Victoire? C'est du même ordre. Bon, et ben là, le problème, c'est que si Vincent Renoir était invité par les rabbins, bon, bah, les juifs qui seraient pas contents, ils auraient qu'à se retourner contre les rabbins. Bon, je vous rassure, c'est pas demain que ça va arriver. Mais c'est pour vous donner, pour faire une comparaison. Là, le problème, c'est que c'est l'évêque qui dit, si, faites venir cette nana, qu'elle fasse ses chants, comment dirais-je, à caractère pornographique et à l'accent satanique, s'il vous plaît, dans nos églises. Oui, bien sûr, faites venir beaucoup de monde pour qu'on le voit. C'est ça qui ne va pas, ok? Donc, voilà. Et le pire, c'est que quand vous avez des catholiques qui sont quand même un petit peu en phase avec leur religion, qui disent, non, mais quand même, le satanisme dans nos églises, c'est quand même un peu trop. Réaction des médias, intégristes. Ils sont pas intégristes. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va falloir être pour pas être traité d'intégriste quand on est catholique? Il va falloir être sataniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, on en est à ce degré d'abrutissement. Donc, d'abrutissement des masses par les médias. Déjà, là, tous ces journalistes, là, tous ceux qui ont fait ça, Je veux dire, c'est même pas du fiel à ce stade-là, c'est même plus du fiel. Si vous voulez. Là, c'est vraiment prendre les gens pour des abrutis, quoi. La fameuse chanteuse qui s'appelle Anna von Hauswolf normalement tiendra un autre concert à Bruxelles le lundi 13 décembre, donc demain, c'est-à-dire hier quand l'émission sortira. Et ça se tient dans l'église des Dominicains de Bruxelles. Alors fatalement, il y a une réaction similaire à ce qui s'est passé en France. Et on voit immédiatement la réaction de la part de l'autorité, que je mets entre guillemets, parce que l'autorité, c'est un certain Paul-Henri Wouters, qui est directeur général du Centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un des nombreux fromages gras qui sont en Belgique, là. Et le type assure que bon, ça va se tenir et aucun problème, etc. Là aussi, il y a intervention des intégristes catholiques, je l'ai dit, et le tout est chapeauté, je l'ai dit, par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Botanique. Le Botanique est le plus gros des centres culturels à Bruxelles. Ouais. Tout ça, rien que le discours du bonhomme que j'ai cité, ça sent l'extrême gauche. Il ne manque que le laïus habituel de ces gens-là. Mais bon, l'article précise aussi que, je ne sais pas si ça a été dit, je ne crois pas, que il y a le concert de Anna von Hauswolf, c'est quand même tenu à Paris, mais dans le jeudi, et dans un lieu secret. Vous étiez au courant ? Oui, oui. D'accord. Ben voilà. Une église protestante, d'ailleurs. Ah, bah, vraiment, la honte pour eux. Ah, je vais quand même me faire l'avocat du diable, si j'ose dire. J'ai été regarder la chanson. Bah, j'ai justement là écouté la chanson et lire les paroles. Bah, en fait, ils ont trouvé là une bonne cliente parce qu'on peut les tourner de différentes manières. Et il est vrai que, j'admets être un petit peu à contre-courant, qu'en substance, la fille parle du fait qu'elle est mal dans sa peau et qu'elle est droguée, et qu'à force de prendre des drogues, les effets de ces drogues et de ces pilules, c'est comme faire l'amour avec le diable. Bon. En soi, c'est pas une apologie du satanisme. C'est une chanson provocatrice, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc je ne dis pas que les gens qui ont voulu lui faire interdire son concert sont nécessairement des imbéciles. Je dis juste que, bon, c'est pas une Marilyn Manson en... Ah non, ça mais je l'avais compris, mais si tu veux, les trucs à caractère plus ou moins obscène, c'est ambigu. Oui, non, mais ça s'y prête pas, je veux dire, d'accord, un lieu de culte est un lieu de culte. Voilà, dans un lieu de culte, ouais. À part si c'est de la musique liturgique ou à la rigueur classique, enfin déjà, normalement, un lieu de culte, c'est un lieu qui est consacré, un lieu sacré. Je veux dire, t'as pas à foutre, sa chanson, elle a écrit en pensant que ça pouvait servir à faire en sorte que des jeunes ne tombent pas dans la drogue ou que sais-je, quoi. Puis après, de toute façon, il y a un autre problème, c'est cette facilité de, enfin, ces gens qui pensent que c'est assez innocent, en fait, de faire des références au diable. Moi, je suis pas croyant, mais, le diable, pour moi, c'est un principe qui dépasse en fait les limites de notre civilisation. C'est un concept que l'on trouve dans toutes les civilisations. Il y a toujours le concept du bien et du mal. Et je pense qu'on fait de nos jours bien trop facilement référence à tout ça, et qu'on essaye aussi de minimiser, normaliser ce qu'est le diable en tant que personnalité biblique ou en tout cas religieuse, ou les diables. Et ainsi que le principe du mal. Enfin bref, c'est un long débat, mais je pense qu'on se porterait mieux en tant que société si on avait une vision équivoque de l'utilisation et du concept, en fait. Tout à fait d'accord. Parce que du coup, ça permet de revenir sur le fond du débat qui est, on revient à la Révolution française, la nationalisation des biens du clergé, les églises sont et des lieux de culte et des lieux publics, et du coup on se retrouve avec ce mélange détestable des genres, Oui, je suis d'accord, un concert d'électro-rock ou je ne sais quoi n'a rien à faire dans une église. La question qu'on peut aussi se poser, c'est pourquoi est-ce que les mairies, les collectivités territoriales ne construisent pas d'orgues dans des auditoriums qui ne sont pas des églises, parce que c'est un très bel instrument et qui n'est pas que religieux. Mais bon, c'est un autre débat. On peut se demander aussi pourquoi les concerts de cette dame se passent dans des églises, semble-t-il, et rien ne dit que son programme, là, son tour, je vais appeler ça comme ça, ne se fait pas uniquement dans des églises, avec une complicité particulière, évidemment. Oui. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que il faut, si on avait les, enfin, si personnellement moi j'avais les rênes de la société, j'interdirais toute musique qui exprime un sentiment de mal-être. Non pas que le mal-être des gens, on ne doit pas l'écouter, on ne doit pas les aider. Il y a quelques semaines, un auditeur nous a envoyé un courrier concernant la mort d'un de ses amis et j'ai, je pense, répondu assez longuement sur le sujet, en disant qu'il était impératif qu'entre nous, on soit toujours là, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles ou tendre la main à un camarade blanc qui serait dans une mauvaise passe, pour raison X ou Y. Mais le fait d'autoriser des chansons comme ça, qui sont porteurs d'une énergie qui est négative, parce que retentissant dans la personne qui l'écoute, entraînant, en fait, augmentant son sentiment de mal-être, c'est pas bon. En fait. Il faudrait absolument que l'on puisse avoir la main mise sur la production culturelle et que l'on dise, voilà, il faut des chants qui soient des chants positifs. Par exemple, je sais que quand j'étais ado, j'écoutais pas mal de choses comme... Il y a un titre comme ça qui me revient toujours, c'est I'm a Creep. Alors je sais plus qui, je sais pas si c'est Radiohead. Ouais, c'est Radiohead, c'est ça. Une chanson dans laquelle le mec chante qu'il est c'est un mec bizarre, c'est un mec qui va pas bien. Qu'est-ce qu'il fait sur Terre? Et ça, c'est une chanson qui était très populaire quand j'étais jeune. Donc c'est normal que je l'ai entendue, que je l'ai écoutée. Et à côté de ça, vous avez des chants qui vont avoir un ton qui est plus léger, qui vont avoir une mélodie qui est plus entraînante. Par exemple, les chants de la Wehrmacht. Les chants de la Wehrmacht sont des chants qui sont beaucoup plus intéressants à écouter et puis à chantonner. Car qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez des gens qui sont des camarades, qui vont pas forcément au front, parce que beaucoup de chants allemands ou même des chants de beaucoup d'armées, hein, j'ai pensé à Katyusha, un chant russe qui est très connu, sont souvent des chants de jeunes gars qui pensent à leur Katia, soit leur Magdeline, leur Fräulein qui est resté au pays, ou alors Sari Mares aussi, qui est un chant qui parle de bon celui-là de la guerre, mais surtout de la maison que l'homme a laissée. Et sont des chants qui sont, bon, ça me reste un peu plus lourd, mais sont des chants qui sont beaucoup plus positifs. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les Européens ont une âme qui est particulièrement prône à la dépression, à l'introspection, à se mettre des bâtons dans les roues, parce que pour des raisons X ou Y, à côté de ça, vous avez des gens qui avancent sans sourciller, qui s'en foutent de réflexions profondes et philosophiques, comme les nègres, enfin, les nègres malheureux, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, un nègre est toujours souriant, on s'entend, mais ils sont sur un niveau d'existence qui est bien plus simple que le nôtre. Donc, quand on prend les données qui sont les caractéristiques, une des caractéristiques des Blancs d'être des gens justement beaucoup dans l'introspection, beaucoup facilement tirés vers le bas pour des raisons philosophiques et morales, vous pouvez pas leur laisser dans les oreilles des productions qui vont justement amplifier ce phénomène-là. Alors, pendant que mes camarades parlaient, j'ai fait une petite recherche. Alors, tenez-vous bien, le 5 décembre, elle était à l'église Les Saints-François à Montpellier. Le 9 décembre, elle était au salon musical de Saint-Eustache. Le 11 décembre, elle était à Nimeg, aux Pays-Bas, à la Stephen Kirk. Kirk, c'est église en irlandais. Hein. Ensuite, elle s'est retrouvée donc à Bruxelles, à l'église des Dominicains. Elle doit passer le 18 décembre à Helsingborg, en Suède, à la Gustav Adolfs Kirka. Kirka, il ne fait aucun doute que c'est church, hein, c'est église. Le 16 septembre 2022, à l'Union Chapel de London, de Londres. Et enfin, là, je ne sais pas ce que c'est à Barcelone, le 6 octobre 2022 encore, c'est l'AM Fest, mais ça, ce n'est peut-être pas un bâtiment religieux. Ouais, donc c'est quand même, on sent bien le réseau interne. Comment, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, ça fixe spécifiquement sur le catholicisme, sur le christianisme, pardonnez-moi. Ah oui, c'est une opération d'envergure, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pas comme si les jeunes catholiques ou les jeunes chrétiens en général étaient les plus prônes, pour ceux qui sont fervents, hein, étaient les plus prônes à tomber dans les travers du sexe pour le sexe et des drogues, quoi. Donc bon. Oui, c'est vrai que c'est pas le public tout à fait, c'est pas le premier public auquel on penserait, effectivement. C'est sûr, c'est sûr. Mais vous savez que le clergé, alors là, elle va en Suède, etc. Alors, est-ce que c'est des églises protestantes ou pas ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le clergé actuel est un clergé, j'ai souvent dit ça, est un clergé, alors, les traditionnistes appellent ça moderniste, post-Vatican II, donc un clergé démocratique, de gauche, qui a rallié la mystique du progrès, etc. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus prosaïque, c'est que le clergé est très majoritairement, quand je dis très majoritairement, j'insiste, très majoritairement homosexuel. Et ça joue un rôle extrêmement important. Donc en fait, quand on parle aujourd'hui de l'Église catholique, enfin plus spécifiquement du clergé catholique, donc on va dire les cadres de cette organisation, il faut bien comprendre qu'on a affaire aux LGBT. D'accord ? Alors ils ont un col romain, voilà, mais c'est le lobby LGBT, quoi. D'accord ? Et si vous voulez, je passe un peu les détails sur les modes de vie LGBT, mais c'est jamais, c'est toujours, particulier, quoi. Hein. Donc les histoires de sexe, de drogue, c'est quand même plutôt leur cam. Hein. C'est quand même plutôt leur cam. Voilà, je veux dire, donc j'en reviens à ma thèse à moi, c'est oui, il y a la gauche, surtout les municipalités de gauche, qui elles veulent liquider en fait ce qu'ils perçoivent comme une force conservatrice, c'est comme ça qu'ils identifient le catholicisme traditionnel. Alors au plan sociétal et de l'enseignement moral, c'est indubitable, hein, le catholicisme traditionnel, effectivement, défend le mariage, refuse l'avortement, ce genre de choses. Donc oui, comme force conservatrice, effectivement, historiquement, c'était le cas. Aujourd'hui, non, parce que elle est dirigée par, grosso modo, une organisation LGBT ralliée à la gauche. Et en fait, ce qu'on voit se passer sous nos yeux, c'est que les municipalités de gauche donnent la main aux clergés LGBT pour nettoyer ce qui doit être nettoyé, quoi, et transformer les églises en porcheries. Voilà. Alors, la chanteuse en question, l'artiste en question, c'est peut-être pas ce qui se fait de plus radical, ok, d'accord, bien sûr, moi j'entends ça, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous créez un phénomène de bruit de fond qui emmène, si vous voulez, le public visé vers une certaine finalité qui n'est clairement pas, ou alors j'ai mal compris, mais qui n'est clairement pas le salut, quoi. Parce que, c'est censé être la fonction des églises, hein. Elles sont censées garantir le salut des âmes, normalement, hein, généralement. Et visiblement, c'est pas tout à fait le projet aujourd'hui. Et quand il y a quelques catholiques qui rappellent que non, c'est bien des lieux de culte qui ont cette fonction-là, c'est des intégristes. Ah bon, Moi, on apprend tous les jours. Oui, tu rappelles le phénomène d'entraînement qui est très important parce que, toujours dans le cas de la communauté LGBT, alors j'ai pas de chiffres par rapport aux années 50 ou même au début du 20e siècle, parce que ça n'existait pas, quasiment pas, mais il y a des chiffres qui disent que maintenant 30% des jeunes de moins de 20 ans se réclameraient aux USA transgenres ou autres. Ou pansexuel ou machin, mes couilles. Ça n'existait pas tout ça avant. Et qu'est-ce qui a créé tout ça? Qu'est-ce qui a libéré ça? Et enfin, quand je dis créer, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont en questionnement et qui finalement vont se revendiquer de ça parce qu'ils n'ont pas d'autres modèles en fait, alternatifs, parce qu'ils sont perdus, ils sont happés à un moment par un ami, une amie qui leur fait voir par l'école. Il y a beaucoup de jeunes gens aux USA qui deviennent tarés après être allés à l'université, par exemple. Voir ce qui se passe à Evergreen, bon bref. Ouais. Et du coup, oui, le phénomène d'entraînement, c'est quelque chose qui est catastrophique. C'est pour ça qu'on ne peut pas, enfin, une société qui serait saine ne pourrait absolument pas tolérer, ne serait-ce qu'un dixième de ce qui se passe actuellement. C'est zéro, en fait. Il n'y a pas de vision grise de ça, en fait. C'est niette. Parce qu'à partir du moment où tu commences, tu crées des précédents, et quand tu crées le précédent, plus loin sur la chaîne temporelle, bah ça, t'as le même phénomène qui grossit, tu reviens toujours au merdier. Et bon, voilà. Après, c'est intéressant parce que ça pose la question du sacré. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi on peut, pourquoi la mairie, par exemple, s'autorise des commentaires comme elle l'a fait, c'est-à-dire de dénoncer l'intolérance, je sais pas quoi. Encore une fois, les catholiques en question qui sont opposés à l'avenue n'ont fait que respecter leur religion, d'accord? C'est pas une marque de radicalité, par exemple. Enfin, imagine-t-on, je dis, imagine-t-on un concert à caractère, je veux dire. Même vaguement, même diffus, à caractère sexuel dans une synagogue ou dans une mosquée. Est-ce qu'on l'imagine 5 secondes? Est-ce que vous croyez que la mairie de gauche de Nantes s'emporterait contre des imams qui refuseraient qu'une nana venue de Suède vienne de parler de ces histoires de drogue et de cul dans une mosquée? Est-ce que vous croyez que Johanna Roland dénoncerait la dérive intégriste des musulmans de Nantes? Ou est-ce qu'au contraire, elle dirait que c'est une manœuvre provocatrice qui vise à attiser les tensions entre les communautés de sa ville, d'après vous? Bon, évidemment, ma question est biaisée, mais parce que je connais d'avance la réponse de cette énorme traînée. Donc, j'en reviens au truc. Ça pose la question du sacré. Donc, pour la gauche, il n'y a pas de problème. Le périmètre d'une mosquée est absolument sacré. D'accord? Donc, pour la gauche athée, féministe, lesbo, LGBT, il n'y a pas de problème, une mosquée c'est sacré, d'accord? Mokhtar et ses frères ont le droit de vénérer un guerrier du 7e siècle qui égorgeait les koufars et qui aurait probablement brûlé vives toutes les putes à cheveux bleus de France et de Navarre. Donc c'est pas un problème. Il va de même pour les synagogues, hein. Bon là ça va sans dire, mais je pourrais même ajouter les temples maçonniques. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est de l'ordre du sacré. En revanche, il est tenu par la doxa actuelle que les églises ne sont pratiquement plus du domaine du sacré, en fait. Et quand vous rappelez qu'elles ont un caractère sacré, vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Vous êtes quelqu'un qui même est un problème pour la société, en fait. D'accord? Vous êtes un obstacle, en fait. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que dit la presse, c'est ce que disent les autorités, mais comment, mais quoi, etc. Donc, où est le sacré aujourd'hui? Bon, ben, moi je peux faire un exercice, par exemple, hein, on n'a qu'à faire un concert de black metal à Berlin, là, vous savez, sur ce truc absolument horrible, là, cette somme de dalles en béton, là, en mémoire des 6 trilliards de juifs gazés avec du Zyklon B, là, en Pologne. Ben, on n'a qu'à faire un concert là-dessus, vous voyez? On n'a qu'à faire un concert. Puis on va voir les réactions. On va voir si c'est cool, si c'est branché, si c'est un dialogue entre artistes de différents genres, ça, entre musiciens et sculpteurs, voilà, une mise en regard, une mise en abîme. Comment ça se passerait d'après vous? Donc où est le sacré? Bah oui, dans une démocratie juive, le sacré, il n'est certainement pas dans une église. C'est ce qu'on a compris. Voilà. Que tu dis se mesure bien au traitement qui a été fait des Femen. Vous vous souvenez, alors en ce moment on entend un petit peu moins parler d'elles, mais des gonzesses qui étaient à poil et qui montraient comme ça leur sein dans les églises avec des slogans comme ça blasphémateurs, puisqu'ils se réclament de ce blasphème, c'est ce qu'ils recherchent. Eh bien, elles ont été finalement adoubées par le système. Je crois qu'elles n'ont jamais fait de peine de prison en France, ni ailleurs. D'ailleurs, même celle qui était la chef prétendument des Femen, qui était une Ukrainienne, je crois, Ina Shevchenko, avait même noué une relation amicale, voire même intime, avec Caroline Forest. Je crois donc que l'antichristianisme est tout à fait toléré. Pour le reste, effectivement, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, comme tu l'as dit, la synagogue, le mémorial de l'Holocauste, la mosquée. Là, par contre, oui, ça fait partie de la Nouvelle République. Et là, on n'y touche pas. Bah là, ça serait marrant, justement, qu'elle aille au mémorial de l'Holocauste montrer ses nichons. Ça serait drôle. Ouais. Ça serait transgressif, ça. Moi, j'aimerais voir ça, là. Et on verrait où est le sacré, là. Hein. Ah bah, j'ai envie de dire, faudra envoyer Némésis. Après tout, c'est des féministes de droite, non? Elles sont censées être de l'autre bord. Elles montent pas leur sein, autant que je sache. Ah, ben voilà. Ben voilà. Et derrière les FMN, je crois qu'il a été prouvé qu'on trouvait les réseaux Soros. Hein. C'était une émanation de la Fondation Soros. Évidemment, mais ça, c'est tout à fait entendu. Mais enfin, c'est pour dire que, voilà, en fait, la spécificité de la chose ici, c'est encore une fois, c'est que la désacralisation des églises, et ce qui était tenu pour sacré, de l'antique force spirituelle qui a prévalu pendant un peu moins de 15 siècles, 14 siècles en Europe. Alors avant, il y avait le paganisme, bien sûr, mais c'est en train d'être liquidé, mais ce qui est spécial, c'est que c'est liquidé avec l'aide des chefs de cette église. Ça, c'est la chose qui est tout à fait remarquable, quoi. Voilà. C'est pas une agression extérieure uniquement. Il y a vraiment des gens à l'intérieur qui donnent la main à ça pour hâter le processus, quoi. Et quand vous dites non, c'est sacré, vous pouvez pas faire ça, c'est sacré, on vous dit vous êtes un salopard. Ah bon, Donc voilà. Et Notre-Dame, hein, le processus qui est en cours à Notre-Dame, c'est-à-dire de réaménagement de Notre-Dame, c'est la même chose. C'est-à-dire il faut désacraliser. D'accord ? Ça ne doit pas être un lieu religieux. Ça doit être un lieu d'animation culturelle. Voilà. Et qui dit culturel dit multiculturel. Donc, parce qu'il faut que ça soit inclusif, vous voyez, il faut que ça soit le lieu de culte, entre guillemets, de la nouvelle religion sans transcendance, d'accord, du globalisme, en fait, hein, voilà, c'est-à-dire l'hédonisme sans lendemain, comment dirais-je, inclusif, qui respecte les différences et les cultures, hein. Donc il faut du PD, il faut du musulman, si possible salafiste, il faut de la gouine, comment dirais-je, surtatouée, voilà, mais par contre, il ne faut pas trop de chrétiens. Donc, c'est ça qui. Et puis, bien, un peu de low cost aussi, quand même, c'est un peu important. Donc, voilà, c'est ça le projet à Notre-Dame, c'est ça le truc. Et moi, j'espère que pour ajouter ça, hein, qu'ils mettront un petit Starbucks, peut-être quelque part. Je sais pas. Peut-être dans les sous-bassements de Notre-Dame, un Starbucks. Ça pourrait être pas mal, je veux dire. Même des conditions qu'on trouve également des slogans anticapitalistes pour compenser un peu. Ah oui, ce serait pas mal, effectivement, ouais. Voilà, et peut-être aussi, là je suggère, intuition comme ça, une statue de George Floyd. Ça serait pas mal quand même, si ça, à l'entrée là, vous voyez. On arrache, sur les tympans, on arrache la deux têtes là, de saint, voilà, on enlève ça, puis on met là, une belle tête de George Floyd là. Donc, criminel drogué, pornographe et, comment dirais-je, mort accidentellement aux États-Unis. Ça pourrait être bien, quand même. Ça pourrait être bien. Ça serait ton sur ton avec l'époque. Voilà. Mais je serais ingrat si je disais qu'il ne fallait pas rajouter à côté de George Floyd une très belle statue de Jack Lang. Je pense qu'il l'a bien mérité. Jack Lang avec un petit enfant maghrébin sur ses genoux. Ah, ça serait bien. Ouais, ouais. Une nouvelle forme de la Vierge à l'enfant. Tu vois, bon. ou une sorte de Pietà avec Jack Lang. Ouais, George Floyd. Oui, il y aurait quelque chose à travailler là. Ouais, effectivement. Ouais. Ah là là. Bah à mon avis, Floyd vaut mieux le mettre sur la façade parce qu'au moins il noircira plus avec la pollution. On pourrait peut-être aussi mettre une chambre d'avortement. C'était un film comme ça qui avait aussi, je crois, américain il y a 15-20 ans, qui avait présenté Jésus comme se réincarnant dans un chef de clinique d'avortement. Je crois que c'est... Et les gens qui ont fumé, c'est qui ont fumé de la bonne. Hein. Bah, c'est du blasphème en fait. Hein. Ouais, mais au-delà de ça, on est sur des névroses lourdes, là. Hein. On est sur des névroses lourdes. Hein. Enfin, c'est, ouais, on est, waouh. Mais on sait, mais c'est intéressant de s'arrêter sur tout ça parce que ce à quoi on assiste, c'est la relecture en temps réel du passé au prisme de l'idéologie dominante actuelle. Donc c'est ça la révolution culturelle. Donc on relit le passé, on filtre, on élimine. Vous voyez, donc une église pour nous, oui, une église, d'accord, c'est un lieu religieux, il y a un périmètre là sacré. Alors même si les gens ne sont pas croyants, je veux dire, ils disent oui, une église, oui, par définition, c'est un lieu de recueillement, c'est un, voilà, c'est un lieu. Et là, non, c'est un lieu d'animation culturelle pour des concerts inclusifs. Voilà, Notre-Dame, une cathédrale, le cœur de la chrétienté occidentale médiévale. Non. Non, c'est un lieu d'ouverture sur le monde, sur la tolérance, qui se focalise sur les questions de l'heure, hein, donc le réchauffement climatique. Vous allez avoir des trucs sur le réchauffement climatique à Notre-Dame. Donc en fait, ça va être vraiment un temple de la nouvelle religion bricolée. Et cette religion suppose, je pense, hein, que déjà par le rite, je pense qu'on ne pourra pas y rentrer sans passe sanitaire, bon, c'est évident, hein, donc il faudra le rite de la vaccination. Je pense même qu'il y aura à côté une tente blanche au cas où vous auriez oublié de vous faire vacciner, donc il y aura deux, trois guignols en blouse blanche pour vous piquer au cas où, quoi. Une fois dedans, il y aura sûrement une réflexion sur le dialogue entre les religions, le souvenir. Il y aura forcément, au bout d'un moment, un juif avec un pyjama marié. C'est impensable de ne pas en avoir une. Okay. Il y aura d'autres trucs sur des sectes bizarroïdes, et des beans cosmopolites, des trucs mûches, et des guinasses. Enfin voilà, ça va donner ça. Ça ne peut pas ne pas finir comme ça. Vous voyez, ça ne peut pas ne pas finir comme ça. Et quand vous dites ça, c'est une espèce de réflexion. Mais alors, c'est trop gros, c'est trop téléphoné, c'est pas possible. Non. Ils vont pas faire ça. Alors tout le monde s'attend à ce qui, enfin, à ce que tous leurs opposants s'attendent à ce qui se fasse. Mais, et si, tu vois, et si. Voilà, ça dit vraiment beaucoup du moment dans lequel on se trouve, quoi. Et ouais, bah. Je sais pas, peut-être que l'armée russe peut débarquer jusqu'à Paris, démonter Notre-Dame, éventuellement la remonter quelque part en Russie, où il y a peut-être encore des chrétiens, je sais pas, une idée comme ça en passant, mais je sais pas. Mais en avant, même les Chinois, hein, qui sont officiellement, donc enfin, qui sont d'ailleurs athées, et sous la direction du Parti communiste chinois, même eux, si vous voulez, essaieraient de sauver Notre-Dame, quoi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes arrivent à comprendre encore la signification historique. Alors, à défaut de la comprendre en profondeur par au plan spirituel, religieux et culturel, ils diraient non, ça vaut quand même quelque chose, il faut le préserver à tout prix. Mais pas les nouvelles élites françaises. Hein. Alors, pas du tout. Hein. C'est pas au mieux. Hein. Les architectes russes avaient participé, avaient proposé leur aide pour reconstruire Notre-Dame à l'identique. Hein. Ils avaient proposé leur aide. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est juste violer le duc, hein. Alors c'est pas vraiment l'église médiévale, hein. Alors tu vois, hein. Et puis Poutine, c'est un fasciste. Mais Hoffman vient de sortir un argument que j'ai vu très très souvent chez les boomers. Dire, ouais, mais de toute façon, l'église d'origine, elle n'a même jamais existé, il n'y a pas de culture française, il n'y a pas de Notre-Dame originale, elle a toujours été en travaux, en rénovation, en évolution, donc nous ne font que perpétuer cette évolution. Ouais, sauf que jusqu'ici, c'était quand même une évolution qui restait catholique, quoi, c'est un petit détail. En fait, il dit ça pour tout, il dit ça pour la race, pour le patrimoine. Ah, non. La culture. Ils ne te disent pas ça pour leur retraite. Ah, ça, ah, leur retraite, elle ne doit pas bouger. Elle. Ça, Costa Croisière a qu'à bien se tenir. Alors, messieurs, puisqu'on est un peu sur le domaine du religieux, je vous propose justement d'enchaîner avec la France nouvelle, avec des évolutions qui tendent un petit peu à contredire les projets de ceux qui nous gouvernent, quand même. Hein. Alors, je vous propose de nous y arrêter. Alors, un sondage de la LICRA, dont j'avais parlé la semaine dernière à l'occasion de la panthéonisation fictive, en fait, hein, de Joséphine Baker pour les raisons énoncées, pas y revenir. Mais il poursuit sur la thématique de la laïcité. dont on avait parlé aussi. Mais là, on a des choses intéressantes. Donc, ils commandent un sondage auprès de l'IFOP et ils en publient les résultats. Et on a des choses tout à fait intéressantes que je veux vous citer ici, là, parmi les résultats. Alors, voici une première donnée. Donc, plus d'un lycéen sur deux, 55%, a été confronté à une forme d'expression, je cite, du fait religieux en milieu scolaire, notamment les demandes de menus confessionnels, 47%, et des absences des filles à des cours d'EPS, 28%. Alors une autre information, une volonté d'entre-soi durant la vie scolaire. 16% des lycéens du public ont déjà constaté l'organisation à la cantine de table en fonction de la religion, 33% en lycée classé prioritaire et 15% des WC séparés en fonction de leur religion, 30% en milieu prioritaire. Au milieu prioritaire, en fait, c'est les banlieues ethniques repeuplées par les migrants afro-musulmans essentiellement. Les lycées situés dans des banlieues sensibles semblent particulièrement exposés à ces formes d'expression du religieux, j'aime bien la formule. 63% des lycéens inscrits dans un établissement classé prioritaire en ont déjà observé au cours de leur scolarité. À plus d'un lycéen sur deux du secteur public, 48%, a déjà observé des élèves contester le contenu des enseignements au nom de leurs convictions religieuses, dont 31% des cours sur la mixité filles-garçons et 30% sur l'éducation sexuelle. Une autre information, l'idée selon laquelle les règles édictées par leur religion sont plus importantes que les lois de la République est par beaucoup plus partagée par les lycéens que les adultes. Alors 40% des lycéens pensent effectivement que les lois de leur religion priment les lois républicaines contre 23% des adultes en France. Mais on a une information un peu précise sur les 40%, un détail on va dire. En fait, sur les lycéens interrogés, donc c'est 40% au global, mais 65% des élèves musulmans disent en fait que les lois islamiques, les lois coraniques, que la charia doit passer avant les lois civiles françaises, les lois républicaines françaises. Voilà, alors ça c'est donc le résultat de ce sondage. Qu'est-ce que vous aimeriez me dire là-dessus? Alors c'est pas vraiment un scoop, dans l'émission on a déjà eu l'occasion de commenter des sondages qui ont eu touché peut-être un peu du doigt ce sujet, mais peut-être pas spécifiquement celui-là dans le détail à ce point-là. Mais là, on a une information quand même assez formelle. Voilà, donc deux tiers des élèves musulmans veulent en fait appliquer tout simplement l'esprit de la loi coranique. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Ils veulent l'application de leur religion. Il y a aussi d'autres chiffres intéressants. Hein. Par exemple, ils sont aussi 65%, les deux tiers, à estimer que leur religion est la seule véritable religion. Donc on n'est pas Vatican II là. Hein. C'est pas toutes les religions se valent, les animistes du Congo sont les bienvenus à la table du pape parce que quelque part ils ont accès, je ne sais quoi. C'est l'islam et point barre. Hein. Alors qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus, sur cette question? Eh bien, d'abord que l'islam est une religion bien plus démocratique que la République. Vas-y, développe. Bien, tout simplement que, si on part du principe que la démocratie relève du consentement du plus grand nombre, force est de constater qu'en matière de foi, ces jeunes ont davantage foi en l'islam, et ce de manière tout à fait démocratique, que la République elle-même. Oui, c'est sûr. Donc, alors de là à tirer une conclusion que lorsque les musulmans seront majoritaires, la loi islamique s'appliquera en France, irais-tu jusque-là à tirer une conclusion entre démographie et démocratie? Oh, ce serait tout de même placer un peu trop de déterminisme dans notre magnifique feuille blanche républicaine. Enfin, blanche, de plus en plus marron la feuille. Oui, déterminisme et un essentialisme. Ah là là. Ah ouais. Autant d'essence et si peu de combustion. Le continuisme. Il ne faut pas essentialiser. Essentialiser, c'est pas bien, c'est extrême droite. Effectivement, voilà. Effectivement. Les Bretons peuvent apparaître spontanément au cœur du Congo, tout à fait naturellement. Il n'y a aucun lien de cause à effet. La génétique, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, c'est un excellent renvoi au début de l'émission. On voit que 150 ans de bretonnerie n'ont rien changé à la République. Par contre, introduisez en masse des nègres et des bougnoules et vous allez voir que le régime politique, là on parle bien du régime lui-même, va changer. Ah là, oui, ça me paraît manifeste. Ça me paraît manifeste. On parlait, c'est bien parce qu'on parlait dans les questions précédentes, on parlait de qu'est-ce qui est sacré et on parlait du régime comme organisateur en fait de l'ordre social. Et on pointait d'ailleurs le fait que, enfin, tu pointais, cher Zyklombix, le fait que la démocratie, par définition, avait pour fonction de parler de tout sauf de l'essentiel. En substance, et que par le fait migratoire, on entre là pour le coup dans la remise radicale en question du régime français, c'est-à-dire de la démocratie et du régime républicain. Parce que. Alors que la logique même de la démocratie voudrait qu'on dise simplement que tout ceci n'est qu'une évolution du débat politique, la naissance de nouvelles alternatives. Non, les républicains eux-mêmes, je parle des vieux laïcards un peu raides du slip, comprennent très bien que c'est la remise en cause des valeurs fondamentales du régime. Alors que la doxa républicaine veut tout de même que normalement, du moment qu'il y a consentement et un minimum de respect du débat, je tousse en disant ça, bien sûr, voilà, il n'y a pas à se poser de questions sur est-ce qu'une démocratie doit être plutôt athée, catholique, juive, islamique. Non, ils en sont très conscients. C'est bien la preuve que tout ça n'est que tous ces débats sur l'idée que la démocratie est un régime qui permet l'expression d'un pluralisme politique, c'est de la couille en barre, quoi. Non, mais totalement. Mais ce qui est marrant, c'est d'écouter les républicains, vous savez, ces adeptes de Platon, et alors ils passent leur temps à deviser sur des abstractions. Et ils pensent que quand tu proclames une abstraction, l'abstraction va commander la réalité. Ça, c'est le plus grand travers. Français, quoi. C'est-à-dire que tu proclames un truc, voilà. Bon, les types ont une idée, ça leur prend comme une envie de pisser, ils proclament un truc. Et voilà. C'est une magnifique construction savante. C'est censé faire autoritaire. Et ça va s'imposer à nous tous, vous voyez. Et faut reconnaître une chose, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à force de tordre la réalité à coups de rééducation, de coups de pompe dans le cul, de procès politiques, etc., ils ont quand même réussi à transformer la réalité en quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'ils considèrent comme une utopie, mais en fait qui est une dystopie, et qui est la réalité qui s'étale devant nos yeux tous les jours un peu plus, hein. D'ailleurs, vous n'avez qu'à remarquer, ça s'étale un peu comme de la merde. Ça fait à peu près les mêmes Oui. traces. Oui. Et alors, le truc là, c'est que. Le grand non-dit de ce sondage, je trouve ça assez marquant, parce que la LICRA, évidemment, commente ce sondage, parce qu'elle est inquiète. Alors, vous connaissez la LICRA, vous connaissez son identité, j'en ai parlé la semaine dernière. Et pour eux, c'est-à-dire pour les Juifs, qui se terrent derrière le mot LICRA, il y a la peur de voir la République, qui est le régime qui a neutralisé les Gaulois, s'effondrer. C'est ça la grande peur. Mais ils ne le disent pas. Ils ne disent pas, voilà, il y a peut-être un lien avec l'immigration, de dire, voilà, par exemple, on arrête l'immigration, il faut tout de suite stopper. Ils ne le disent pas. Ils n'établissent pas de lien entre l'immigration et les phénomènes qu'ils observent, par exemple. Donc, ils restent se focaliser sur des abstractions. C'est marrant. Et alors, c'est à l'abstraction républicaine, enfin, face à la religion comme système, ils opposent l'abstraction républicaine. Et c'est constamment un discours, oui, mais alors l'islam ceci, l'islam cela. Et vous savez, il y a des débats sans fin de savoir où est la bonne virgule dans le Coran. C'est absurde. Et ce que montre ce truc, ce sondage, ce que révèle ce sondage, me semble-t-il, c'est à quel point ces types sont d'énormes couillons. Sont d'énormes couillons. Parce que ce qui est en train de foncer droit sur eux, à 300 km/h, c'est la locomotive de l'islamisation totale. Et c'est effectivement, et même un demeuré peut le comprendre, c'est effectivement le résultat de la politique migratoire. Je veux dire, voilà, vous faites venir des musulmans, aux surprises, ils pratiquent l'islam. Voilà. Il y avait cette idée chez les juifs et chez les républicains dans leur monde abstrait qu'une fois qu'on passait la frontière française, miraculeusement, on devenait un citoyen adepte de la République. à aucun moment, ils ne se sont dit qu'en fait, un nègre conservait sa génétique même après avoir passé la frontière de la France. Vous voyez, c'est magnifique hein, quand même, le petit monde dans lequel évoluent les républicains. Donc en fait, effectivement, que ces nègres et ces bicots restent des nègres et des bicots, et à aucun moment, ils n'ont envie de se séparer de ce qui est gravé dans leur génétique. Car je précise, je rappelle, je souligne que l'islam, c'est pas simplement un discours. L'islam, c'est d'abord et avant tout une pratique, la pratique de la consanguinité, d'accord ? Donc, je veux dire, le mariage entre cousins, etc., c'est inscrit dans le système islamique, ok ? Donc, fatalement, au bout d'un moment, si vous voulez, ça devient indissociable. Hein, leur religion, leur identité, ça, c'est la même chose pour eux, d'accord ? En gros, l'islam, c'est le truc qui leur permet de se reconnaître les uns entre les autres. C'est pas un système intellectualisé comme le conçoivent les Blancs, en fait. Et là, on est dans ce grand moment de reprise de contact avec la réalité où, en fait, ils découvrent que en fait, l'islam, c'est juste les bougnoules, en fait. L'islam, c'est juste les bougnoules. Voilà. Ils sont indissociables. Voilà, c'est un et indivisible. On ne peut pas séparer le bougnoule de l'islam et l'islam du bougnoule. C'est impossible. Et c'est un moment de prise de conscience, mais qui n'est pas nommé dans le sondage, et c'est bien dommage. Et du coup, j'en viens à mon dernier point. Bah, tirez-en les conclusions vous-même. C'est-à-dire que si, évidemment, l'islamisation et ses conséquences sont liées à l'immigration, bah, vous prolongez les courbes démographiques du grand remplacement qui n'existe pas et dont la LICRA nous dit que ça n'existe pas, hein, ils nous le disent. Hein, disent non, c'est... Eh ben, dans 30 ans, l'affaire est entendue. Je veux dire, on aura à peu près 20 millions de musulmans en France pour une majorité de non-blancs. Donc, ces 20 millions de musulmans seront la principale force d'agitation motrice des halogènes. Hein, et il y aura eu des conversions entre-temps, etc. Donc, dans ces conditions, la République laïque, etc., bon, je sais pas, moi je donne pas. C'est déjà le cas dans les municipalités, dans les grandes villes. Hein, vous savez, là, les horaires de piscine, toute une série d'exigences, c'est déjà en place. Mais quand la masse critique va être atteinte au point où, en fait, il n'y a plus du tout d'opposition à l'établissement des lois coraniques, c'est difficile à évaluer dans le temps, mais je pense que c'est une question de... Pas partout, hein, ça dépend du peuplement, je veux dire, mais. Pour moi, c'est une question de 10 à 20 ans maximum. C'est une question de 10 à 20 ans maximum. C'est pour ça qu'il faut bien prioriser les problèmes. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait à Strasbourg d'un fameux double escalier ne menant à rien. Donc tous ces délires woke qui nous cassent les couilles. Mais on peut être sûr que le jour où Strasbourg sera talibanisé, ce double escalier servira simplement à quelques homosexuels à faire le saut de l'ange. Voilà. C'est-à-dire que le wokisme sera dépassé, utilisé, recyclé, hein, recyclé y compris dans les assiettes des chiens et de tous les animaux servant de bout de chaîne alimentaire, par la vague migrante qui est en train de littéralement nous submerger comme si on se plongeait progressivement dans une fosse à purin. Hein. Ben oui. Mais en fait, ça va se manifester en fait quand les boomers vont disparaître. Bon, les boomers là, les plus âgés ont 75 ans, les moins âgés ont peut-être une soixantaine là, donc ça risque de traîner encore 20 ans comme génération, je veux dire. Donc ça va nous amener. Ah, je suis gentil, on va dire 15 ans, mais bon, on va dire 20 ans. Ouais, on va dire 20 ans. Alors 20 ans, voilà, 2040, voilà, un peu moins de 20 ans, 2040. Mais 2040, voilà, les boomers auront pour l'essentiel passé l'arme à gauche. Alors pas tous, hein, mais une partie. Et là, en chiffre absolu, la part des halogènes va être extraordinairement visible. On va vraiment le sentir. Alors là, déjà, les gens le sentent déjà considérablement, je veux dire, dans la rue. Hein. Mais ça va être beaucoup plus prononcé. Beaucoup plus prononcé. Alors, toute cette histoire de laïcité, etc., où ces gens parlent, en fait, s'accrochent, pensent qu'en fait, que tous ces concepts, ils pensent qu'ils existent quelque part dans les airs et qu'ils commandent. Non. Si vous n'avez pas des gens qui veulent les mettre en pratique, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, ce sont les hommes qui font les idées. Ce n'est pas les idées qui font les hommes. Ça, c'est la première grande erreur française, d'ailleurs, depuis la Révolution. Là, ils vont le découvrir, quoi. Et quand ces gens-là vont dégager, donc il n'y aura plus aucune espèce d'opposition aux réclamations des musulmans. De toute façon, je pense que pour alors, en fait, ce qu'on appelle le wokisme, enfin, de toute façon, la gauche intersectionnelle, enfin, ils auront fait un tel travail de destruction que de toute façon, si vous voulez, quelqu'un qui se revendiquera de la laïcité, pour moi, il aura le traitement de Jean-Marie Le Pen, quoi, au minimum, hein, je veux dire. Ça sera même plus un sujet, et si jamais il y a quelqu'un qui évoquait la laïcité, machin, il se fera égorger au coin d'une rue, quoi. C'est comme ça que ça se passera. D'ailleurs, vous voyez, à Sciences Po Grenoble, ça y est, hein, c'est vraiment. Vous savez, il y avait eu tout le débat à l'époque, vous vous rappelez ? Il y a un an et demi, là, il y avait eu beaucoup de polémiques. Ils avaient mis en place des menus islamiques et tout ça, et soi-disant que. Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, allait régler la question de l'islamo-gauchisme. Alors, elle a bien dit ça il y a 2-3 mois. Elle a dit, c'est bon, la question de l'islamo-gauchisme est réglée. Sans trembler, hein, dans les médias, elle a dit, non, mais c'est bon, c'est réglé. Alors, bon, entre-temps, en fait, Grenoble est devenu encore plus radical sur ses... Enfin, comment dirais-je, Sciences Po Grenoble est devenu encore plus radical sur ces questions. Les pro-djihad l'ont emporté, enfin l'extrême gauche pro-djihad l'a emporté, etc. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, le Macron et sa clique ont complètement capitulé. Ils ont dit non, mais il faut arrêter d'en parler, on fout ça sous le tapis. De toute façon, c'est les élections. Faut pas trop faire chier les musulmans et de toute façon, on s'en fout parce qu'ils ont déjà gagné la partie. Et ça va être comme ça partout. Donc c'est très mignon de voir la LICRA faire des sondages pour mesurer parce que c'est trop tard, c'est terminé. C'est terminé. Alors ça va avoir des implications, parce que justement, avec le retour du religieux, j'aime bien la manifestation du religieux, dans l'espace public, bah en gros, la manifestation du religieux dans l'espace public, c'est ce qu'on appelle la loi coranique, quoi. Donc ça veut dire que ça se passe déjà comme ça dans les villes françaises, hein, mais pour ceux qui ne sauraient peut-être pas comment ça fonctionne, typiquement, donc, ça fonctionne par capillarité, en peau de léopard, si vous voulez, donc dans une ville française typique. Bon, depuis déjà une bonne cinquantaine d'années, vous avez un quartier à Bougnoul. Je crois qu'il n'y a pas une ville française d'une taille raisonnable qui n'a pas son quartier à Bougnoul, c'est-à-dire sa zone à HLM bougnoulisée. D'accord, très bien. Mais ça, c'est le vieux modèle. Le nouveau modèle, c'est que le quartier à Bougnoul, en raison de l'immigration de masse, métastase. Donc on a une petite colonie de Bougnoul qui s'établit dans un autre quartier, puis un autre quartier, puis un autre quartier. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée ? Ah, il y a l'ouverture d'une mosquée dans un garage. Et puis, voilà, autour de la mosquée, il y a un prêcheur qui commence à tenir des propos assez virulents, etc. Voilà, prolifère de concerts, évidemment, le trafic de drogue. Donc, il y a les règlements de compte, les gangs, etc. Les blancs qui vivent dans ces quartiers qui étaient encore relativement paisibles, commence à voir que le soir ça craint quand on sort, que y a des points de deal, que même il y a des types qui se retrouvent à l'entrée de leur résidence, etc. Bon, ils disent là il est temps que je me casse. Quand on n'a pas déjà cramé leur bagnole et quand ils se font pas insulter, traiter de sale gouaire, etc. Bref, ils sentent qu'ils sont plus les bienvenus. Donc ils essayent de trouver par tous les moyens une solution pour se tirer. C'est compliqué à cause du prix du logement, etc. Mais le phénomène s'enclenche. Et puis les nouveaux venus arrivent et puis on les fout là et puis truc. Et très vite comme ça, c'est plus un quartier qui est tenu par des islamistes, c'est toute une série de quartiers dans la ville. Souvent d'ailleurs en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire un imam est en compétition avec un autre imam, un dealer de drogue est en compétition avec un autre dealer de drogue, etc. C'est pour ça que vous avez des fusillades, etc. Mais ça crée une ambiance générale. Voilà. Là-dessus, le boulot de reprise en main. Alors, tous les salafistes qui sont dans cet environnement, qui sont à la fois, qui ont une main dans le trafic de dope, une main dans la prédication, blanchissent leur fric en achetant des commerces. Alors, ils achètent évidemment les boucheries qui transforment halal. Un truc très important qu'ils adorent, sur lequel ils adorent mettre la main, c'est évidemment tout ce qui est rite funéraire, d'accord ? très important effectivement pour accompagner la population du berceau à la tombe, hein, pour tenir les musulmans. Donc, voulez-vous faire enterrer, bah, il faut passer par les salafistes, c'est blabla. On achète des cafés auxquels on interdit progressivement l'accès aux femmes, etc., etc., etc. Et en quelques années, vous avez comme ça une rue, une avenue qui se transforme en artère digne de Bagdad. Probablement d'ailleurs, Bagdad est plus libéral que ce genre d'endroit. Donc voilà, voilà ce qui est en train de se passer. Ça se passe pas dans une ville, ça se passe dans toutes les villes de France en ce moment, dans toutes les villes, à une vitesse de plus en plus accélérée. Et ces gens-là sont absolument clairs quant à leurs intentions. C'est la loi coranique, c'est la loi de l'islam, et les koufars, tôt ou tard, ils se feront égorger. Okay, voilà. Soit ils se soumettent, soit on les égorge. C'est très simple. Ça, c'est la véritable cartographie de la France. Donc les débats sur la laïcité, et ce qui est marrant, et j'en termine parce que je suis déjà trop long, c'est quand parfois vous avez des médias qui décident d'aller rompre un peu la monotonie et décident d'aller s'investir dans des communes où il y a 80% de population immigrée, 70 nationalités, vous connaissez le truc, type Argenteuil, etc. Et là, vous découvrez quoi ? C'est que le maire de gauche, il a un discours et tout très policé, quoi. C'est, oui, on est une ville ouverte sur le monde, mais on a une ville aussi avec beaucoup de difficultés sociales, etc. L'emploi, blablabla. Puis quand tu t'intéresses à la façon dont il gère sa boutique, tu te rends compte qu'en fait, en sous-main, il a tout délégué aux islamistes. Tout est tenu par les islamistes. Le mec n'est qu'un fantoche qui est là pour faire le tampon entre la préfecture et les islamistes, et les médias et les islamistes, en fait. Et quand il y a des questions gênantes qui sont posées, on arrête l'interview, vous voyez. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé avec Lagarde. Vous connaissez Lagarde, là, ce centriste mou qui a menacé Zemmour, là, Pasqua t'aurait flingué s'il était encore vivant. Lagarde, qui est un mec dans un centriste, hein, comme je le disais, hein, le type a totalement délégué la gestion de Drancy aux islamistes. Totalement, je veux dire, c'est le crime organisé musulman. Le même mec va passer à la télé et va vous dire la laïcité, les valeurs de la République, la séparation de l'Église et de l'État, et bla, et bla. Le type va te faire un discours, mais... Et puis en pratique, chez lui, c'est la Libye, quoi. Vous voyez ? Et grâce aux médias, les gens voient mal ce qui se passe. Ou voire n'en ont rien à foutre aussi. Voilà, bon, j'ai été très long. Mais ce que je voulais dire finalement à l'occasion de ce sondage, c'est à quel point en fait l'arbitrage a déjà eu lieu pour des raisons démographiques, que les autorités en sont parfaitement conscientes, qu'elles ne l'admettent pas publiquement pour des raisons purement politiques, mais qu'en pratique, il est très clair que la République française a totalement abandonné l'idée de ce qu'elle appelle la laïcité. D'accord ? Elle s'en fout. Ce qui peut paraître paradoxal quand on voit l'emphase qu'elle met sur le mot. Mais en réalité, non. Ça a été soldé, quoi. Voilà ce que je voulais dire, autant pour moi si j'étais trop long. On a fait le tour aujourd'hui. Je vous propose de nous séparer et nous dire à la semaine prochaine. Si tu assistes, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la plus.